Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce 12e épisode de Cellulite. 12 déjà, ça fait quand même un sacré paquet d'émissions sur lesquelles on parle d'animation. Pour l'émission d'aujourd'hui, un sujet un peu spécial puisqu'on va s'intéresser au niveau du dossier à une émission qui vous a certainement tous marqué étant plus jeune et même moins jeune, puisqu'on va vous parler, on va faire un petit retour sur sa cartoon, donc l'émission de dessin animé qui passait à l'époque sur Canal+. Donc voilà, on va revenir sur de l'émission du début des années 80, de sa création dans les années 80 jusqu'à sa fin au début des années 2000. Donc je ne suis évidemment pas tout seul pour vous parler d'animation aujourd'hui, puisque je suis avec Chronos. Bonsoir. Bonsoir Chronos, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. Et évidemment je suis avec Toontoon. Salut. En plus, ah oui, parce que je me suis un peu précipité, parce qu'en plus du dossier, on va vous parler évidemment d'autres choses à côté, on va vous faire des news, on va vous faire des critiques, parce qu'il y a pas mal de choses depuis la dernière émission qui sont sorties, alors aussi bien au cinéma que sur Internet, qui méritent en tout cas que l'on vous donne notre avis, qui n'engage que nous, évidemment. Et voilà, ça va nous faire une bonne partie de l'émission avant, évidemment, le cours d'après qu'il ne faut pas louper après le générique de fin. Eh bien, je vous propose d'ores et déjà de passer sur la partie news, parce qu'on a pas mal de choses sous le coude. Et pour commencer, alors on va parler de la nouvelle itération de Dragon Ball à la télé qui fait suite. On n'avait pas vu Dragon Ball à la télé sur une nouvelle série depuis Dragon Ball GT, c'est-à-dire depuis trop longtemps, même si pour beaucoup Dragon Ball GT n'existe pas. Hein. Et donc on va vous parler de Dragon Ball Super. Alors, et comme le sous-titre lui va à merveille, le sous-titre mis lui va à merveille, on a marqué Dragon Ball Super, c'est pas super. Hein. Donc déjà, je me défausse parce que ce n'est pas moi qui a marqué ça. C'est moi. Mais je suis assez d'accord. Alors surtout, alors attention parce que... Mais c'est surtout par rapport à... En fait, oui. faut replacer la news dans le contexte. C'est que on enregistre le dimanche 9 août. Oui. Et aujourd'hui, c'était la diffusion de l'épisode 5. Tout à fait. Et... avec donc nous on regarde tous les trois, nous ne regardons pas le l'anime, totalement totalement pas crédible, on est totalement vierge de toute saleté qui aurait pu nous salir. C'est et ça. Salir la licence et du coup il y a eu une diffusion de un certain nombre de screenshots, beaucoup trop d'ailleurs, enfin beaucoup, et de capture d'écran de l'animé qui rendent pas du tout hommage à la série originelle, puisque c'est absolument dégueulasse et que on dirait des fanarts faits par moi par exemple. Alors, c'est gentil pour les fans, hein. Et donc sur des screenshots absolument dégueulasses avec un dessin immonde, quoi. Donc, un dessin immonde et surtout qui n'est pas cohérent par rapport au, on va dire, entre deux plans, on va vraiment avoir des choses très différentes et. Du coup, j'ai vu que des screenshots, mais oui. En animation, ça doit être dégueulasse. Quoi. Complètement, mais après, de ce qu'on voit de la succession de screenshots, c'est que c'est quand même sur le même, ça se passe sur le même, au même moment à peu près, hein, sur une succession de plans. Et ça reste assez vraiment très très vilain, avec une couleur, en plus c'est des couleurs choisies qui sont pas forcément les plus qui mettent pas forcément les personnages le plus en valeur possible, notamment sur Son Goku. Et c'est voilà, ça a l'air d'être assez ça a l'air d'être assez vilain. Alors je crois en plus qu'au début les critiques n'ont pas forcément été très très enthousiastes vis-à-vis du dessin animé, mais là vis-à-vis de la série, mais là ça reste assez assez spectaculaire dans le côté négatif du terme, quoi. J'ai aperçu la séquence justement, j'ai regardé justement le podcast version animée. Du coup, c'était un passage où il s'entraîne, où il passe en mode Super Saiyan 3. La version avec les cheveux très longs là, et avec ses sourcils et ses arcades proéminents. C'est pour mieux mettre des coups de boule. Et malheureusement, oui, au niveau du design, enfin, les proportions, les choses comme ça, c'est d'un plan à un autre, c'est juste dégueulasse. Et dès que les personnages se reculent en fait de l'écran, où ils sont moins détaillés, bah là, pour le coup, ils sont vraiment moins détaillés. Et ils sont c'est mode, vraiment ils sont smiley, c'est moins dessiné. C'est même pas des silhouettes, mais c'est des smileys. Des smileys juste avec des traits, choses comme ça. Non, c'est vraiment dégueulasse. Bref. Alors, en même temps, voilà. Enfin, depuis ce matin sur Twitter, c'est une déferlante. Tout le monde critique le truc et tout. Pour changer en même temps. Hein. Déjà, je comprends pas. Enfin, on savait que ça allait être une catastrophe. Enfin, DB Super, voilà. Moi, enfin, ça me paraît logique puisque tout ce qu'on mange depuis la fin de DBZ, sachant que DBZ de base était pas terrible, tout ce qu'on mange depuis la fin de DBZ, c'est mauvais. Et du coup, là, ils annoncent DB Super, ils annoncent en série fleuve, c'est-à-dire un épisode par semaine, une centaine d'épisodes, sachant que l'industrie va totalement à l'inverse de cette idée-là ces dernières années, avec pas mal de nouveaux animés comme L'Attaque des Titans ou Kuroko no Basket, qui font des séries de 26 épisodes maximum. Une fois tous les ans, du coup le temps de faire une vraie production, là c'est ça va complètement à l'inverse et du coup les gens ont l'air de découvrir que bah c'est comme ça que enfin que c'est nouveau ou un truc comme ça alors que ça existe depuis toujours. C'est de la ils sous-traitent à des studios étrangers pour avoir des trucs moins chers et en plus c'est t'as pas le temps. Si tu dois faire en un an, tu fais 52 épisodes, forcément t'as pas le temps, quoi. Donc tu fais des trucs dégueulasses comme on a eu là sur l'épisode 5, quoi. Non, mais s'ils avaient vraiment réfléchi leur truc, et comme tu dis, ils avaient fait quelque chose avec 26 épisodes, vraiment un arc... À la rigueur, ils en font d'autres après, mais ils font un arc de 26 épisodes en essayant de réfléchir d'avance à ce qu'il va y avoir. Ça aurait été bien plus respectable, je pense. Ah bah oui, je suis persuadé que ça aurait été beaucoup mieux, quoi. Mais je pense que la logique de la Toei n'est pas là-dedans. Ils avaient fait pareil pour Sailor Moon ou pour... Non, Sailor Moon, je crois que c'était limité. Mais enfin, ils sont toujours dans cette logique-là, alors que l'industrie est en train de changer un petit peu là-dessus. Et du coup, bah apparemment, ça leur réussit, puisque même avec les critiques, tout le monde regarde, donc... Ouais, c'est sûr. Après, tu parles de Sailor Moon, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai problème, là encore, de cohérence en termes de character design et de défauts assez énormes, avec un œil plus petit que l'autre. Mais quand je dis plus petit, c'est vraiment plus petit que... C'était un clin d'œil. Ouais, c'est pas faux, mais bon. Enfin bref, oui, ça donne pas forcément tout de suite envie de regarder après avoir sur le long terme ce que ça donne, mais c'est sûr que, comme tu dis bien, le fait de... Voilà, de délocaliser, de fragmenter la production n'aide pas forcément pour éviter ce genre d'écueil et ce genre de problème. Voilà, on peut voir. On l'a bien vu sur des séries à succès énorme, genre Naruto ou One Piece. La qualité, elle est pas au rendez-vous, quoi. Après, tu peux même prendre le Dragon Ball, la première série où tous les épisodes ne valaient pas non plus. C'était pourri. Enfin. C'était il y a la nostalgie qui marche et tout, mais si tu le mets si tu le regardes maintenant, enfin tu te rends compte forcément que c'est pas de la bonne qualité. Et d'ailleurs je pense que des épisodes comme là on a eu avec l'épisode 5, il y en avait déjà dans la série d'origine, des trucs fait à l'arrache, enfin fait un rush de un épisode qui a démarré en retard ou un truc comme ça. Oui. Et du coup qui a été fait ultra rapidement, bah à mon avis, il y en a eu plein des comme ça, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et puis, on peut penser aussi aux fillers, à ces épisodes qui, bah, en fait, le fait d'avoir rattrapé, d'être sur une production intensive qui suit un manga, donc les chapitres de manga, au bout d'un moment, tu rattrapes la production de l'auteur et t'es obligé de faire des épisodes, entre guillemets, hors série. Et, voilà. Et ça n'aide pas non plus à avoir une cohérence et avoir une vraie qualité en termes de production. Suffit de se dire que DB Super, c'est les fillers, c'est une série faite avec des fillers. D'accord, ok. C'est juste ça. En prenant notamment un des personnages qu'on voit dans les films qui ont été produits il y a pas longtemps. Les deux précédents, ouais, je crois. Les gods, enfin, Battle of God. Battle of God et Fukatsu no F, alors, je ne sais plus. Résurrection. La Résurrection. Ouais, Résurrection de Freezer. Au Freezer. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une opération nationale, mais le dernier film, la Résurrection au Freezer, sera visible au cinéma. Il a été diffusé au Grand Rex. Ils avaient fait une soirée spéciale, je crois. Avec, ils vont le refaire aussi du côté des CGR. Hein. D'accord. Le 11 septembre, donc j'espère que ça ne va pas leur porter malchance, évidemment. Alors, en VOSTFR et en 3D, alors je suis assez étonné pour la 3D, mais ça peut être sympa de le voir au cinéma. Alors voilà, on m'a dit que c'était pas forcément un film de grande qualité, je ne l'ai pas vu. Mais ça peut être sympa de revoir ça dans les salles obscures, surtout en VO, quoi. Parce que j'avais hésité à voir au Grand Rex, justement, mais bon, je me suis dit finalement. J'ai plus voir autre chose, genre les 4 fantastiques ou un truc comme ça. Oui. tu pourras aller voir si tu veux au mois de septembre, il y a la diffusion sortie en salle de Boruto. Le film de Naruto, ouais. Ah oui, avec le fils de Naruto. Voilà, et que on a toujours pas la fin officiellement en France de Naruto. Voilà, c'est super. Je vais pas en reparler parce que ça va m'énerver encore, mais voilà. C'est pas faux, enfin voilà, c'est la petite introduction déjà pour l'animation pour dire qu'on n'était pas content, même si c'était quelque chose qu'on regarde pas, donc ça c'est assez. C'est pas super. C'est pas très objectif, mais bon, c'est pas super de toute façon. On passe à la suite avec le nouveau DreamWorks qui se dévoile et qui s'appelle Secret Life of Pets. D'ailleurs, c'est pas le nouveau DreamWorks, j'ai fait une connerie, c'est une. sur le conducteur, c'est le nouveau Illumination Mike. Rien à voir quoi. Oui. Donc c'est Illumination, c'est un film d'animation. C'est les mignons. C'est ça. Et moi, je suis méchant. C'est ça. Et donc c'est Secret Life of Pets qui s'annonce pour quand ? Est-ce qu'on a déjà une date ? 2016, juin 2016, je crois. D'accord, oui, donc ça va arriver, dans moins d'un an. Donc le premier trailer est sorti. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que tu veux nous dire de ça, Tuntun et Chronosun ? Le trailer est cool. L'idée c'est qu'est-ce qui se passe, que font les animaux quand on sort de chez nous et qu'on va travailler, qu'est-ce qu'ils font toute la journée. C'est un peu comme Toy Story chez les animaux quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et le trailer est plutôt cool. Ça introduit toute une pelletée de personnages, donc des chiens, des chats, des animaux de tout genre. C'est très joli. Il y a un peu de tout comme personnage. Est-ce qu'il y a un mignon ? Non. Alors, il y a peut-être. Je dis peut-être une bêtise, mais il y a peut-être un clin d'œil dans les décors ou un truc comme ça. Ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc je me souviens plus trop. Mais voilà, sinon, ça a l'air assez cool. Après, il faut voir. Là, c'est juste un teaser, donc il faut voir ce que ça donne dans les prochains trailers, mais ça peut être sympa. L'ADA se rapproche de ce qu'ils ont fait auparavant, ou on est sur quelque chose de totalement différent ? Ils ont l'air de changer un peu quand même, enfin, ils tentent des petites choses au niveau des animaux, j'ai l'impression. Moi, j'ai une impression un peu de ce qu'a fait Sony sur Tempête de boulettes géantes. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Il y a un mélange entre ça et peut-être des persos de Volt, un petit peu, de Disney. Ouais, exact. Oui, le premier Disney depuis que John Lasseter est arrivé en tant que responsable des studios. Responsable, c'est pas forcément le terme, enfin, il s'occupait de la partie créative. Directeur d'animation, un truc comme ça. C'est juste après le rachat de Pixar. Tout à fait. Bon bah très bien, ça s'annonce pour juin 2016. D'autres choses à rajouter par rapport à ça, messieurs ? On espère un meilleur film que Les Mignons. Si tu veux, on passe tout de suite au film. Hein, non. Hein. Est-ce qu'on sait si par contre, est-ce qu'on connaît le réalisateur ? C'est toujours le même. C'est toujours Pierre Coffin, il me semble, ouais. avec un autre Américain, je crois. Il me semble qu'il est pas tout seul. Et non, c'est Chris Renaud. Et Yarrow Cheney. Donc Yarrow Cheney, je ne sais pas qui c'est. Et Chris Renaud a travaillé sur Moi Moche et Méchant, ouais, et ça. Moi Moche et Méchant 2. Et Le Lorax aussi. Ah oui, ok. Ouais, donc il connaît bien la maison. Ouais, c'est bah, avec Pierre Coffin, c'est les deux boss quoi un peu. Il semble qu'ils sont rentrés dans une méthode de travail assez proche des Américains parce que ouais. J'ai entendu dire que là, au niveau du studio, je crois que c'est genre 2 films et demi tous les 2 ans, un truc comme ça. Enfin, Ouais, c'est des choses comme ça. je pense qu'ils vont rentrer dans un truc effectivement Ils ont beaucoup deux plus voire productif. trois, ouais, ils ont 2 voire 3 films en même temps en ce moment, enfin avec plusieurs niveaux Ouais. de travail, mais Ouais. et ouais, là ils sont vraiment en mode fabrication quoi. Bah, surtout qu'il y a une partie des équipes qui sont en France et l'autre partie qui est aux États-Unis. C'est ça, et puis surtout ils peuvent ils sont chez Universal et du coup ils ont accès à des budgets assez importants et à des niveaux proches des Américains DreamWorks et Disney quoi donc Ouais, et puis ils ont quand même enfin eu un Disney bon petit sûrement avant matelas mais... avec ce qu'ils ont gagné sur les Ah millions bah qui a là un succès. sur leurs derniers films ils sont largement bénéficiaires quoi. Voilà, donc ça me permet déjà de pouvoir se lancer dans ce type de production, dans ce type de stratégie dans l'animation. Après, la grosse majorité se fait quand même en France, parce qu'il me Oui. semble qu'ils font vraiment tout ce qui est 3D en France, c'est-à-dire Ouais. animation, rendu, etc. Je crois que c'est vraiment la pré-prod qui se fait un peu aux États-Unis, avec des gros artistes qui font des designs, des choses comme ça, il me semble, enfin si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble aussi que le gros du studio est en France. D'ailleurs, là, ça commence à être assez énorme. Je crois qu'ils ont plus de Ah oui, non, 500 employés, un truc comme ça. c'est C'est un que vrai je gros studio ouais. et ça fait du bien aussi parce que même si c'est en partie américain, enfin, du coup, ça appartient à des Américains. Et du coup, il y a un côté américain, ça reste quand même le savoir-faire français et c'est fait en France. Et du coup, c'est une vraie tête de gondole pour la France, au niveau mondial, quoi. Donc, c'est important aussi pour l'industrie française, je pense. Après, c'est vrai que comme t'es vraiment, comme tu dis, il y a 500-600 personnes qui bossent là-bas, et je connais pas mal de gens qui bossent là-bas, et c'est vrai que, à part si tu bosses dans des postes un peu plus haut placés, mais quand tu arrives et que tu fais simple graphiste, bah, t'es vraiment dans la machine en fait, et tu peux pas Ouais. vraiment bouger de ton poste, et du coup, bah, t'as C'est moins de l'usine, quoi. créativité, ouais, c'est l'usine, t'as moins de créativité que si t'es dans une petite boîte et que tu participes à faire une petite pub ou des trucs comme ça. C'est ça aussi le danger quoi, donc c'est voilà, t'es content parce que tu bosses une grosse prod, mais après c'est pas Ouais. avec ça que tu vas t'éclater artistiquement. Je pense que on a eu le cas avant, parce qu'on a eu beaucoup d'artistes qui sont avant d'avoir un gros studio en France, justement. Beaucoup partaient chez Disney, Pixar, DreamWorks, tous ces gros studios américains. Et au bout d'un moment, une fois qu'ils avaient fait leur expérience et tout, ils revenaient et ils intégraient des studios plus modestes en France, on va dire, mais dans lesquels ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est un peu ce qu'on va avoir là avec Illumination, c'est que bah, il y en a beaucoup qui vont rentrer. Après leurs études ou des trucs comme ça, dans une grosse machine comme ça, une fois qu'ils auront fait leur expérience, ils iront fonder leur studio ou ils feront leur truc un peu plus en dans enfin un Non, peu avec un peu plus de créativité quoi. ouais. Bah c'est un peu ce qui s'est passé parce que nous on avait Louis Clichy qui avait bossé à Oui. Pixar et en fait il était revenu en France après parce qu'il était un peu dégoûté. Enfin pas dégoûté mais disons qu'il avait fait son job à Pixar et Ouais. là, il était revenu en France dans la boîte où je bosse et du coup Chez il Cube où il avait fait son court-métrage avait fait là. son court-métrage, mais ça c'était avant d'être chez Pixar. Ensuite il est revenu pour faire de la pub, et après il est parti développer le Astérix, Domaine des Dieux. Et donc voilà, c'est vraiment ce parcours-là que certains font. Mais bon, Ouais. c'est vraiment ceux qui ont été repérés, qui ont fait des courts-métrages, et que les mecs ils disent ah, tiens, ton court-métrage est vachement chouette, est-ce que tu veux bosser chez nous? Bah ouais, c'est Pixar qui nous demande ça, ouais, je sais pas. Je vais pas dire non, quoi. C'est clair. Non, et puis c'est enfin là on a chez Illumination on n'a pas encore vraiment le côté mise en avant des créateurs parce que même si effectivement pour beaucoup ça reste l'usine et qu'il y a énormément de turnover par exemple chez Pixar l'avantage c'est qu'ils font tous liés aux films qu'ils créent, ils font tous des dérivés, genre des courts-métrages, des trucs comme ça. Et du coup, ils laissent la chance à des gens qui sont là depuis un moment et qui étaient, on va dire, simples animateurs avant, quoi. Et pour l'instant, chez Illumination, on n'a pas ça. Ils n'ont pas encore ce côté, comment dire, produit dérivé de leur truc, quoi, en fait, de leur licence. Et du coup, ils peuvent moins mettre en avant, pour l'instant, c'est les petites mains, on va dire, enfin, des gens qui sont là depuis un moment, mais qui sont à des postes relativement Il y a un côté moins adaptable, quoi. En fait, de par leur poste. Il y a un côté moins dénicheur de talent, en fait. Oui. Ok, parfait. Je vous propose de passer à la suite, hein, sauf si vous avez des choses à rajouter par rapport à cette excellente intervention. Non, je crois que c'est bon. On va parler de la nouvelle série DreamWorks, justement, et pas la nouvelle série Illumination, qui est dérivée, en fait, d'un film qui est sorti en 2013, il y a deux ans, si 2014, donc il y a un an, si je ne dis pas de bêtises. donc, il s'appelle People and Sherman, et qui a pour particularité, là où le film au cinéma était en 3D, de retrouver ici un mode de représentation en deux dimensions, avec qu'on retrouve notamment au niveau de la direction artistique Kevin Dart, qui avait notamment eu l'occasion de travailler sur des productions Cartoon Network, et qui rappelle notamment des productions telles que le laboratoire de Dexter notamment. Ouais, donc Power of Girl et tout. Voilà. Donc tu as pu voir quelques images, en tout cas. Ah oui, il y a qu'une image teaser qui a été diffusée. Et qui fait que ça, voilà, ça rappelle ce côté-là. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on en parlait d'ailleurs avant de commencer à enregistrer, c'est qu'ils, notamment chez DreamWorks, ils ont, et c'est notamment toi qui faisais la remarque, Chronos, c'est qu'ils ont une stratégie un peu inverse à ce qu'ils font avec ce qu'ils faisaient actuellement, ce qu'ils faisaient auparavant. C'est-à-dire que là où ils produisaient des films et ils produisaient ensuite des dérivés en série, pour capitaliser entre guillemets sur le film. Là, ils sont plus sur un mode inverse, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord produire des séries, et s'il y a vraiment un engouement fort par rapport à ces dernières, il y aura du coup un film qui pourrait être produit, et justement, ben voilà, là également capitaliser sur les gains potentiels. Surtout qu'en plus, là, on est vraiment dans une époque où les séries, faudrait voir si vraiment c'est plus rentable que le cinéma, mais disons que tout le monde voit tout le monde regarde des séries, il y a des plateformes de partout avec Netflix, Canal+, choses comme ça. Ouais. Bah, notamment DreamWorks qui a signé un accord avec Netflix. Avec Netflix, ouais. Et du coup, je pense que ouais, c'est une bonne solution parce que vraiment, la série est au cœur de notre époque et peut-être encore plus que le cinéma en ce moment. Mm. C'est vrai que c'est pas con du tout, quoi. C'est sûr. C'est vrai, surtout que le cinéma, de façon générale, est de plus en plus boudé par les jeunes, donc ça peut être aussi une façon de les faire venir. De la télévision vers le cinéma. Bah disons que quand t'es pas super héros, c'est compliqué en ce moment au cinéma. Oh. Donc. Ce qui peut expliquer la bonne. Mais c'est pas mal en plus parce que en plus c'est vrai que moi je trouve toujours un peu frustrant, notamment quand tu vois les génériques de fin des films d'animation en 3D où t'as toujours des travaux préparatoires en 2D et tu pourrais te dire ça peut être vachement sympa de le voir ce film. Sous ce mode de représentation là où ça change les choses, alors évidemment t'as pas la patte graphique 3D, mais la 2D, après c'est peut-être le côté nostalgique et vieux con qui fait ça, mais on a toujours les films en 2D ou les séries en 2D ont toujours l'animation en 2D de façon générale a toujours un charme particulier. Ouais, la preuve avec DB Super oui, enfin, je parle pas forcément. Je parle plus de films d'animation. Parce non, mais que oui, je vois ce que tu veux dire. Notamment là sur Peabody et Sherman, l'image qui a été diffusée, si c'est réellement le rendu, ça serait vraiment cool, quoi. Un truc, faire quelque chose comme ça après le comment dire, le film qui était en 3D et qui avait un design un peu générique, on va dire. Bah, j'allais rebondir là-dessus, justement, quand tu vois, on en parlera aussi tout à l'heure, mais quand tu vois les images du Petit Prince en 3D, tu n'as pas l'impression... Alors, tu as toujours les personnages qui font un peu Pixar, avec toujours un petit élément qui change pour se différencier, mais tu n'as pas forcément une vraie distinction entre les deux, où j'ai l'impression qu'ils sont, entre guillemets, un peu feignants sur le chara-design pour faire des choses qui sortent de... Je sais pas si c'est feignant, parce que... Non, le terme est pas bon. C'est juste qu'ils suivent, ouais. Ils suivent le modèle à suivre, en fait. Ouais, oui. Le modèle, c'est Pixar, et voilà. Ouais, mais c'est un peu dommage, tu vois, alors que la 2D... Du coup, on a l'impression que la 2D offre tellement plus de choix possibles en termes de chara-design C'est surtout sur une série où la 3D, c'est pas adapté, ça coûte beaucoup trop cher et alors que c'est peut-être plus l'inverse sur un long métrage. Mais en série, la 2D, c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile à produire, quoi. Ouais, c'est sûr, et c'est plus rentable. Au final, le risque était moins important, le risque financier moins important de produire une série en 2D. Quelque chose à rajouter par rapport à ça, messieurs? Non, non, c'est bon. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, C'est ouais, c'est vrai. prévu pour une sortie le 9 octobre aux États-Unis Ah, de sur cette année? Netflix. Ouais. Ah, c'est cool ça. Sur Netflix, il y aura 13 épisodes. Et donc nous, chez nous, ça devrait suivre assez rapidement, je pense, parce que Bah bon, voilà, maintenant Netflix. ils font ça genre en même temps, hein, donc. Ouais, bah là, c'est ce qui s'est passé pour Dragon notamment. Et pour le truc, le dérivé de Madagascar aussi, le roi des Lémuriens, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Je sais pas ce que. J'ai pas encore vu, je sais pas ce que ça Bah déjà donne, le mais. personnage est insupportable dans le film, je pense qu'il est Ah, moi insupportable aussi j'aime dans la bien. série. Ah Mais ouais? ouais, après en série, ouais, c'est Bon, en même temps, t'as beaucoup compliqué, de personnages qui sont insupportables dans Madagascar. Hein. quoi. Ouais, mais lui, Ouais, particulièrement, il est pas mal. juste pour rebondir là-dessus, Netflix va bientôt arriver au Japon, donc ce qui voudra peut-être dire aussi plus de séries d'animation sur Netflix en ils ont déjà France. prévu. Il y a déjà prévu des trucs inédits au Japon. Et du coup, forcément, bah, vu qu'ils auront les droits, il y a possibilité qu'on ait plus de choses chez nous. C'est vrai qu'en Ouais. plus la France elle a vraiment servi de ce côté-là parce que j'ai vu qu'il y avait Kill la Kill qui est arrivé Tout à il y a pas fait, t'as longtemps. Space Dandy, Ouais, les deux Space Space Dandy, ouais, Dandy, c'est ça. ouais. Il y Ouais, a il y a pas mal de choses. Knight of Sidonia aussi, ils ont Tout remis à fait. un épisode. Exact. Donc, Il me semble même que Gurren Lagann est disponible sur Netflix. Ah ouais? Ouais, je sais plus. À confirmer, mais il me semble que c'est le cas. Donc bon, c'est assez cool. Parce que en plus c'est le même character designer que Kill la Kill, donc c'est quand même assez sympa. Et pareil aussi, il y a de plus en plus de Disney Pixar. Là, il y a Wall-E qui est arrivé. Enfin, toutes les semaines, ils rajoutent des trucs. Au niveau animation, ils commencent à être vraiment bien fournis. Et il n'y a aucun service, à part évidemment les Crunchyroll, ADN et Wakanim, il n'y a aucun service de streaming qui est plus complet que Netflix au niveau animation. Bah, tu veux dire service généraliste en termes Ouais, de ouais, ouais. contenu. Ouais. Ok, parfait, puisqu'on parlait de l'animation japonaise, on va revenir un peu sur ce qui se passe entre guillemets chez Ghibli et dans l'animation japonaise en général, puisque Yoshiaki Nishimura a fondé un nouveau studio qui s'appelle le studio Ponoc qui reste chez Ghibli. Donc Nishimura, c'est le réalisateur du dernier. Ah, Non, je c'est me. le producteur. Producteur, autant pour moi, du dernier Ghibli qui est sorti avant que le studio arrête de faire des films d'animation. Je ne veux pas dire qu'il va fermer parce que c'est pas le cas. Marnie, j'ai oublié le nom Les exact. souvenirs de Marnie. Souvenir de Marnie, merci beaucoup. C'est lui qui avait produit aussi le dernier Takahata, le conte de la princesse Kaguya. Kaguya. Et je crois qu'il avait produit Arrietty aussi, si je dis pas de bêtises. Avec le même réalisateur Ouais, Yonebashi. pour Arrietty et pour Marnie. Autre information, toujours dans le domaine de l'animation et toujours en rapport avec Yoshiaki Nishimura, c'est qu'il lance avec Hideaki Anno, donc qu'on ne présente plus, parce que j'espère que vous le connaissez. Non, je plaisante, c'est le réalisateur, il est connu pour être le réalisateur d'Evangelion notamment. Et il a également la voix du dernier héros du dernier film de Miyazaki, Le Vent se lève, pour la version japonaise. Et donc il lance avec 13 autres artistes Deo Gallery, un studio spécialisé dans les décors peints à la main. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations par rapport à Bah, ça? en gros, voilà, c'est 13 artistes. Il y a une galerie d'ailleurs qui a été ouverte. Enfin, un site internet avec une galerie d'images. Et en gros, c'est des gens qui étaient déjà, donc beaucoup d'anciens de chez Ghibli d'ailleurs, qui étaient spécialisés dans les décors, la réalisation de décors. Et en fait, le studio a été créé spécialement pour faire de la sous-traitance. Et pour faire des décors et remettre en avant un peu les décors faits à la main, peints, etc. Pour avoir vraiment cette touche très spécifique des films, notamment du studio Ghibli. Ok, des choses à ajouter par rapport à ça, messieurs? Non, c'est cool. Non, ça va? Parfait. Ben on va passer tout de suite, on va fermer la partie news et on va s'intéresser tout de suite au premier morceau consistant qui s'appelle, on va s'intéresser aux critiques tout simplement. Pourquoi faire? Tu faisais ça? Je suis Boove! Oui, je sais ce que tu ah, es. Ah, excellente. Alors je peux rentrer dehors maintenant? Non, tu ne peux pas rentrer dehors maintenant. Mais si! Tu n'avais juste qu'à retirer ce morceau de bois qui coince. Alors je vais devoir tirer sur toi des rayons laser avec mes yeux. Tu peux faire ça? Oui. Et pour les critiques, comme on a vu pas mal de choses depuis la dernière émission, on va revenir, alors entre autres, sur le dernier DreamWorks en route, sur la série d'animation qui passe notamment sur Internet, Les Cassos saison 2, le dernier Pixar, évidemment, Vice Versa, la série Dragon, et notamment Les Mignons, que Toontoon a adoré, et Le Petit Prince. Alors on va commencer par En route que nous avons vu Toon et moi. Pour revenir rapidement sur le film, je vais vous faire un résumé rapide de l'histoire. Donc les Boovs, aliens à l'ego surdimensionné, choisissent pour échapper à leurs ennemis jurés, les Gorgs, de faire de la Terre leur nouvelle planète d'adoption. Mais oh, l'un d'entre eux va révéler accidentellement la cachette de son peuple. Contraint de fuir, il fait la connaissance de Tiff, une jeune fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d'improbables fugitifs embarqués dans l'aventure de leur vie et vont réaliser que les enjeux auxquels ils font face sont beaucoup plus complexes que de simples mésententes intergalactiques. Donc, ça a été réalisé au sein du studio DreamWorks Animation et c'est notamment réalisé par Tim Johnson. Des souvenirs que tu en as, Toontoon, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'était une bonne surprise. Merci. Parce que je partais très, comment dire... T'avais déjà un a priori négatif? Ouais, j'avais un a priori super négatif, la bande-annonce me disait rien. Alors, je pense que c'est un peu le syndrome... Oh, on a déjà vu ça, c'est là-haut, en fait. Ouais, peut-être pas... Non, pas... moi, ça m'a pas fait penser à là-haut. Mais ouais, le coup de l'extraterrestre qui débarque comme ça et qui est un peu rejeté. Mais, enfin, ouais, avec... Du coup, ils partent... Enfin, avec l'humaine, ils partent en vadrouille, sauver la planète et tout. Enfin, il y avait plein de trucs qui me paraissaient totalement déjà vus dans les blagues, dans les trucs comme ça. Et en fait, la bande-annonce ne montre pas grand-chose du film. Je trouve que c'est plutôt intelligent. Et c'est une bande-annonce mensongère, on devrait en avoir plus, parce que c'est quand même... C'était pas spécialement mensonger, mais... Non, mais en tout cas, qui montre pas le... Ça montrait vraiment le plot, quoi. C'était le début de l'histoire, et voilà. Et du coup, je partais avec un a priori assez négatif, surtout... par rapport... Enfin, ouais, le design... je trouvais pas ça extraordinaire. L'animal de compagnie, c'est du déjà vu. L'extraterrestre, il avait l'air assez banal et tout. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment cool. Alors, c'est pas un film incroyable, mais c'est un joli film. C'est super bien écrit. Notamment le personnage de la gamine, Tiff, exact. Qui est super intéressant, je trouve, et qui est assez touchant. Et pareil, l'histoire de l'extraterrestre qui est assez... Enfin, voilà, c'est très cliché. Mais ça marche bien. Et effectivement, globalement, le film, je le trouve très touchant, avec une espèce de mélancolie qui est intéressante. Et en même temps, je le trouve très drôle. Et il y a des super répliques, il y a des super situations. Et en plus, il a une DA et techniquement, je le trouve vraiment très très bon. La direction artistique, pardon, est intéressante avec comment dire, les personnages qui ont une touche un peu particulière, c'est pas juste du Pixar ou du, enfin voilà, un truc générique sur les humains comme on fait d'habitude. Oui. Là je trouve il y a vraiment une touche en plus avec Tiff qui est afro-américaine, c'est pas le genre de personnage qu'on voit souvent dans les films, quoique en ce moment ça commence à se démocratiser, mais je trouve que y a, c'est pas un personnage tout lisse où, il est vraiment intéressant au niveau de la direction artistique. Oui. Et voilà, il y a plein de choses, on voyage beaucoup autour de la planète, il y a l'utilisation de la tour Eiffel qui est pour une fois intéressante. je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi, ça reste quand même très cliché, ça reste très enfantin. Ouais. Mais globalement, j'étais très content de le voir au ciné, quoi. Rebondir par rapport à toi, par contre avec des extraterrestres assez horripilants, je trouve... Ouais. Le haut, notamment à côté de Jar Jar Binks, c'est assez terrible. Alors, après, bah oui, avec sa façon de parler, ouais. C'est ça, et faire toujours des erreurs, des bêtises, tu vois, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Et de s'en excuser à chaque fois, c'est un peu fatigant. Ouais. Bon, après, voilà, faut aussi voir le film comme c'est, et c'est un ensemble qui fait que. Qu'il est vraiment sympa, parce que t'as vraiment, on va dire, t'as une morale derrière, c'est pas juste gratuit. Alors évidemment, t'as les clichés des extraterrestres, des gentils extraterrestres, des méchants extraterrestres. C'est voilà, ne serait-ce que les méchants extraterrestres, jusque dans leur design, fait que même si ils ont pas encore parlé, tu sais qu'ils sont méchants parce que voilà, ils sont agressifs. Ouais. Mais au final, la raison voilà. est assez cool, je trouve. Mais ça, vaut mieux laisser la pour ceux qui ont la chance de le voir encore ou de le voir par la suite, de ne pas raconter l'histoire. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que c'est un film qui paye pas de mine, hein, tu l'as très bien dit au début, par un chara-design qui est quelque peu différent par rapport à ce qui se fait d'habitude, mais au-delà de ça, voilà, l'histoire est assez commune. Des extraterrestres, au bout d'un moment, ça mettait un petit peu de temps à se lancer, et puis après, on les suit tous les deux dans leur quête respective, et dans la recherche de la maman, notamment, de Tiff. Et donc voilà, ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement, et c'est vraiment sympathique au possible. C'est bien aussi parce que ça permet de sortir un peu de l'idée qu'on aurait pu s'en faire, notamment de la part de DreamWorks, qui est pas non plus connu pour être très original dans ce qu'ils font, notamment. Alors, ça dépend. Ça dépend, oui. Ça dépend, on regarde Dragon ou Kung Fu Panda, c'est quand même. Ouais, mais dernièrement, c'est pas, il n'y a pas eu des choses, mis à part Dragon, évidemment, et comme tu dis, Kung Fu Panda, je sais pas si t'avais vu Mission Père Noël ou, non. Comment ça s'appelait, avec les esprits, Les cinq gardiens, Les cinq légendes. Les cinq légendes, voilà. Ouais, c'est ça. Qui se sont un peu vautrés, et bon, là, ils prennent des risques en allant sur un autre terrain qui est assez contemporain en plus au niveau du questionnement, et qui va, bon, ils vont pas non plus très loin évidemment, mais ils font des terriens, des réfugiés à cause de leur planète qui est envahie, voilà, donc il y a quand même des questions derrière qui vont un peu plus loin que le film d'animation, même si le développement n'est pas très poussé non plus, parce qu'il faut pas oublier qu'on s'adresse avant tout à des enfants et en partie aussi aux parents qui les accompagnent. Mais voilà, ça reste une bonne surprise, un bon film qu'on vous conseille de voir, évidemment. Des choses à rajouter par rapport à ça, Tuntun ? Non. C'est un bon film sympathique. Un DreamWorks agréable. Très bien. Alors, on va passer à la suite. On va passer au Cassos saison 2. Monsieur Sachat, il va falloir arrêter vos conneries là, c'est plus possible. On m'a signalé une utilisation des produits dopants sur les animaux. Non mais vous pouvez pas comprendre madame, je vous ai dit, ça fait partie du métier dresseur Pokémouille. Oui. C'est un truc, ça faut connaître, si on connaît pas on la ferme madame. Oui. Hein, et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas du tout ce que vous croyez. Bah alors voilà, ça par exemple c'est un aspifion, c'est une belle bête ça madame. Bon bah là mon aspifion il est arrivé à maturité, ça je peux te le dire parce que moi j'ai l'œil. Et j'ai l'œil, j'ai toujours le bon. Ah il demande quelque chose, celui-là c'est d'évoluer au niveau supérieur. Oui. Donc moi tout ce que je fais madame c'est lui donner un petit coup de pouce là, comme ça. Comme ça, paf, Hein, ton aspifion, ça devient un aspifouette. Oh Seigneur Dieu. Et après c'est pas terminé, hein. Si ton aspifouette il combat bien, tu peux le faire évoluer. Tu peux en faire un turlufouette. Oui. Monsieur Sacha, vous allez me faire le plaisir d'arrêter vos pratiques barbares. Ah mais je suis pas d'accord, madame. Et je vous ai déjà dit, je veux pas me laisser faire. Ça c'est une tradition ancestrale, madame. C'est un noblard où l'animal et son dresseur ne font plus qu'un. Ça n'a rien à voir avec de la barbarie ou je sais pas quoi. Hein. Allez aspifouette, rentre à la Pokéball. Allez hop. Tu vas rentrer, saloperie là. Allez. Oh. Et merde. Et la Cassos saison 2 qu'on a vu tous les trois, donc Tuntun, moi et Chronos. Qui est un peu dans la même veine qu'en route. Oui, enfin, ouais. Même si d'humour. Bon, j'ai une assistante sociale et des. Quand dans des... ta vie ça va mal. Et des. T'as pas l'assistante sociale. Les cacales, les sociaux, les cassos. Et voilà, donc alors on retrouve la relation les mêmes que pour la saison 1, donc notamment Balak que l'on connaît pour son travail sur The Last Man, notamment pour le plus connu récemment. Alexis Beaumont, Rémi Godin, Julien Daubas, El Diablo, studio, donc c'est réalisé au sein du studio Bobby Prod et c'est réalisé par le biais notamment de Canal+. Le résumé, il n'y a pas de résumé parce que bon, bah, ce sont des épisodes très courts qui permettent aux héros de notre enfance, même plus sur la saison 2, parce que c'est vrai que la saison 1 était davantage axée de façon majoritaire sur des personnages de dessins animés de notre enfance, Olivier Tom, les Tortues Ninja, Astérix Obélix, Aspésix et Crodibilix pour la version alcoolique. On trouvait le père Fouras, etc. Donc la saison 2 est plus dans la est plus diversifiée en tout cas au niveau des sources des héros des personnages qui font face à l'assistante sociale et tu dis que le métier d'assistante sociale n'est pas facile tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez vous messieurs de ça, est-ce qu'il y a des épisodes en particulier qui font plus marquer que d'autres? Le lapin du métro, hein, évidemment. C'est le truc emblématique, en fait. Ah ouais, ouais, au final, vraiment, le truc qui ressort de cette saison 2, celui qui a un peu boosté les vues, j'ai l'impression, c'est le fameux épisode avec le lapin du métro parisien, qui étant à Paris, franchement, a beaucoup marqué les gens, qui a fait que, ouais, genre, on a passé dans la boîte de 3-4 personnes à regarder à une trentaine, quoi, en une journée, c'était hallucinant. Et du coup, ça fait que les gens ne loupaient pas un épisode, à remater les autres. Enfin, c'est ouais. Gros succès à ce niveau-là. Ils ont bien joué leur coup. Et non, mais l'humour, c'est vraiment comment détruire toute licence de son enfance en une minute top chrono. C'est clair. Mais non, c'est génial parce que ça n'hésite pas à aller assez loin quand tu vois les épisodes avec Kirikou. Avec Toto Gros, enfin Kirikou est quand même assez assez violent. Ouais. Il est assez sec, mais c'est en même temps c'est bien parce que ils osent vraiment aller jusqu'au bout et du coup ça fait partie de ce charme aussi. C'est vraiment à prendre au 36e degré évidemment. Oui. Et ce qui est bien c'est que c'est jusqu'à maintenant ça a été Canal c'est pas désisté, ouais, c'est pas dégonflé quoi, c'est ça ouais. Qui est cool, enfin même si je suis pas sûr qu'ils le passent sur les chaînes, mais c'est plus sur non c'est sur leur laboratoire sur YouTube, le laboratoire là, ouais. Mais c'est pour ça je pense qu'ils laissent un peu faire, ils font un peu ce qu'ils veulent et non c'est cool, enfin franchement. Et puis quand tu vois les making of avec les j'ai vu des making of avec les doubleurs qui font pas mal de personnages, tu sens qu'ils s'éclatent dans leur boulot et je pense que ouais ça marche aussi bien parce que les doubleurs ils ont vraiment du talent et c'est assez hallucinant d'ailleurs comment ils arrivent à gérer leur truc quoi. Ouais et au niveau de l'écriture c'est vraiment génial quoi. Au niveau des voix, même si on il y en a beaucoup qui reviennent, enfin il y en a un certain nombre qui reviennent énormément, ils arrivent quand même suffisamment à les diversifier pour que à chaque fois on reconnaisse chaque personnage quoi. Ouais c'est clair, ouais, une bonne série. On retrouve, y a des épisodes qui sont terribles, genre Retour vers le futur, avec une question. Vaut mieux regarder pour vraiment adorer. Il y a pareil pour l'effet de surprise, même si on comprend assez vite. Game of Thrones aussi, qui est assez drôle, assez caustique pour ceux qui connaissent la série. Donc voilà, plein de références. Je suis très très fan de chasse-pêche et prédation. Ah oui, avec les prédateurs et aliens. Avec les prédateurs et une voix avec l'accent marseillaise. Ouais, qui est des chasseurs qui chassent l'alien et qui, ah, qui butent. Il y a l'épisode des Teletubbies aussi qui est juste génial avec ce fameux gif qui a tourné avec le rose au fond qui fait des trucs bizarres avec ses doigts. ou les chats aussi. Grumpy chat, il y a avec les chats tout mignons et puis Grumpy chat qui s'énerve parce que il y en a marre d'être tout mignon. C'est ça en fait, c'est la force du truc, c'est que t'as deux personnages en général par épisode, et même s'il y en a un que t'aimes moins, l'autre est là pour rattraper le coup, et il y a toujours des trucs tu t'y attends tellement pas, quoi. Ouais, ils jouent avec leur époque aussi, enfin, ils jouent avec tout ce qui marche en ce moment. Ils jouent beaucoup sur les mèmes, ils jouent beaucoup avec l'humour qu'on trouve sur internet, et beaucoup d'humour sexuel d'ailleurs, mais, mais c'est très drôle. Donc quand le lapin il commence par se pincer les doigts dans la porte et qu'il finit avec la tapette à souris, ça, ça c'est t'as dit non, voilà, il a pas quoi, osé quoi. Ben c'est génial quoi, et ils arrivent à montrer plein de trucs. C'est comme comment il s'appelle, Sandy, qui est en abstinence sexuelle, et qui craque sur certains mots, enfin voilà, c'est, et puis il représente le truc quoi. C'est pas c'est vachement bien fait. L'animation est ultra minimaliste, mais c'est ça qui fait le charme en plus du truc. C'est que bah il en faut peu en fait pour être suffisamment démonstratif. Ouais, puis ils se permettent en plus, bah notamment par du fait que ça passe sur internet, du coup ils ont beaucoup moins de barrières pour faire ce genre de choses quoi. Ouais. Pour les proposer, même si eux mettent des pour jouer sur le truc, ils s'auto-censurent entre guillemets, notamment tu parlais de la tapette avec des petites mosaïques. Ouais, mais ça c'est pour le jeu quoi. Bien sûr, évidemment c'est pour jouer avec ça, mais c'est assez tu sens que t'as une vraie liberté et c'est très agréable à regarder quoi. Donc voilà, des choses à rajouter messieurs sur les cassos. Sacha et Pedro avec les Pokémouilles. J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient sorti une bande dessinée. Coup, je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté aussi. Et bon, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas le même charme, mais ça m'a fait marrer. Mais il y a des trucs bien drôles quand même. Et notamment, Le Petit Prince. Oui. Ah, putain, j'ai vu celui-là aussi. Qui est un enfant qui pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est insupportable, quoi. Et tu lis le truc et tu ressens la douleur. Quoi, tu c'est connais génial. Pas Naruto ? Oh, le nul. En plus, voilà, avec sa représentation ultra minimaliste et tout, et c'est suffisant quoi en fait. C'est juste la direction artistique, et je trouve elle est parfaite quoi. Bah, il fallait bien au moins une bonne adaptation du Petit Prince. Ou hein. Teasing. Deuxième. Ah bah, on me tend la perche aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Enfin, ça t'a pas empêché de réussir à placer tout à l'heure Astérix et le Domaine des Dieux, donc. Ah oui, j'ai fait aucun commentaire dessus. Hein. Non, mais j'attendais le moment propice pour le placer. Très bien, je vous propose de passer peut-être au morceau de choix sur cette partie critique, puisqu'on va vous parler du Vice Versa que l'on a vu tous les trois. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non, mais c'est quoi, cette horreur ? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est des brocolis ! Berk ! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Ouais, je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi ? Pas de dessert ? Non mais attends, il est sérieux lui ? Voilà la colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te taper une dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster ! Riley, regarde le petit avion. Un avion. Un avion. Waouh. Le dernier film du studio Pixar, réalisé par Pete Docter, donc un ancien de la maison, un des grands de chez Pixar. Alors le résumé pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, Cinq émotions, excusez-moi, sont au travail, et leur tête joie débordante d'optimisme et de bonne humeur veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, colère s'assure que la justice règne, et dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle, les autres non plus d'ailleurs. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand joie et tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elle certains souvenirs essentiels, peur, colère et dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et tristesse vont devoir s'aventurer dans des endroits très inhabituels comme la mémoire à long terme, le pays de l'imagination, la pensée abstraite ou la production des rêves pour tenter de retrouver le chemin du quartier général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie. Le gros résumé en tout cas du film qui permet déjà de mettre en avant différents moments du film qui est assez cool, notamment Pixar à un moment se permet de pas faire de la 3D, ça c'est ouf, notamment dans la pensée abstraite. Enfin voilà, c'est juste une petite transition. Comment il spoil encore là, ouais, c'est clair. C'est fou. Vous le verrez, de toute façon, ceux qui l'ont pas vu, c'est pas des vrais. Puis voilà. ceux qui attendent de le voir sur TF1 dans 5 ans, n'écoutez pas cette critique, merci. qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, avant que je ne m'égare sur Vice Versa ou Chronos, pardon, Chronos. Non, c'était vachement cool. c'était très bien, j'ai retrouvé le bon Pixar, enfin c'est ce qu'on dit depuis un moment, de toute façon j'ai l'impression à propos de ce film, c'est que beaucoup ont retrouvé le Pixar de là-haut, le Pixar de Nemo, le Pixar de Wally, etc. Pixar de Pete Docter. Ouais, c'est ça, le Pixar de Pete Docter. Après, j'avoue que même en prenant du recul, je suis... C'est pas que je suis resté sur ma faim, mais c'est juste que au moment de finir, vraiment, tout le monde m'avait vendu le truc, émotionnellement, c'est vachement cool, etc. Alors, effectivement, c'est vraiment chouette, la fin est vraiment, vraiment cool, ça parle de beaucoup de choses, mais je trouve qu'il manque un petit truc, en fait, une sorte de seconde lecture, ou peut-être de troisième lecture, un peu plus complexe qu'il y avait sur les autres, j'ai l'impression. C'est peut-être pas aussi marquant que ce qu'on pouvait... ça reste pas autant de souvenirs que d'autres, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est... Je sais pas si c'est parce que le film m'a paru très court... ou qu'il y avait moins de choses dedans, c'était moins complet, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Moi, j'ai adoré le film, je le trouve exceptionnel, mais en effet, il y a un petit côté, il est peut-être un petit peu lisse, en fait. Ouais, c'est ça, c'est peut-être et ça. Il ouais. manque un petit peu de... De rugosité. Ouais, c'est ça, enfin, c'est beaucoup de bons sentiments, etc. Il manque un petit peu d'aspérité, en fait, dessus. Mais sinon, en dehors de ça, il est quand même... Enfin, c'est du très, très haut de gamme, quoi. C'est, que ça soit techniquement ou au niveau de l'écriture, ou au niveau des personnages, de... Tout est ultra léché, et peut-être même un petit peu trop léché, du coup. Mais effectivement, alors moi j'ai eu plein d'émotions en regardant ce film. Toute la salle, j'ai été le voir, j'étais dans une salle avec plein d'enfants. Toute la salle était captivée par le film, il n'y avait pas un bruit. Et voilà, c'était... Il est extrêmement puissant. On retrouve un peu. Je suis pas un grand fan de Lao, mais par contre j'adore Monstres et Compagnie, donc les précédents de Pete Docter. Et on sent qu'il y a une espèce de continuité dans ce qu'il fait, et il y a ce jeu des émotions, etc. Et il est ultra important. Et là, il faisait déjà avant, et là il matérialise, en fait. Et il matérialise super bien. Le choix des cinq émotions est très très bon. Leur rôle à chacun est excellent. Et on rigole, on s'amuse beaucoup, et en même temps, on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête. Parce que même si les émotions dirigent un certain nombre de choses, il y a quand même un espèce d'inconscient où ou un instinct de chez Riley, la jeune fille, qui fait qu'il maîtrise pas tout en fait. Et du coup, ça donne un côté un peu, comment je pourrais dire, ça donne du sel au truc, quoi. Et le côté ingérable. Vraiment, ouais, et c'est vraiment super bien foutu, quoi. Et en plus, la représentation de la mémoire, de tout ce qui se passe dans la tête, en fait, est vachement bien foutu. Et, ouais. Et il y a ce côté, en plus, un petit peu seconde lecture, on va dire, même si elle est très première lecture, au final. Mais c'est ce passage d'enfance à adolescence et la place qu'on laisse à la tristesse et à la mélancolie là-dedans, et qui est super bien gérée, et que je pense que ça devrait être vu par beaucoup de parents, parce que ça montre un peu ce que beaucoup de parents ont oublié, en fait. C'est que c'est important aussi de laisser un peu de place à la tristesse, et voilà, enfin, il y a plein de choses, et effectivement, ça manque peut-être un petit peu de profondeur, ou un petit peu d'aspérité, mais ça reste quand même un film immense, quoi, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Pixar à ce niveau-là, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'animation aussi à ce niveau-là, quoi. Après, je mettrai un petit bémol sur le côté technique, parce que moi, au contraire, j'ai trouvé ça vraiment pas le plus beau Pixar que j'ai vu. Autant les personnages sont assez chouettes, etc. Mais après, je suis passé à des formations professionnelles, mais il y a vraiment des passages que j'ai trouvé assez moyens, surtout dans les souvenirs. Ouais, il y a des trucs en termes de rendu, j'ai pas trouvé ça ouf. Je pense qu'il vieillira pas très bien le film à certains moments. Contrairement à, enfin, moi je trouve toujours que Monstre Academy, c'est ce qu'ils ont fait le mieux techniquement. Ça tue la gueule, c'est assez clair. Et vraiment le vice versa, je trouve vraiment en dessous. Alors contrairement au prochain The Good Dinosaur qu'on a vu avant l'annonce, où là par contre je trouve qu'ils ont vraiment encore monté le niveau. Ouais, alors et... The Good Dinosaur, on aurait peut-être pu en parler d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai. Je trouve le mélange un peu réaliste avec le côté cartoon des personnages très bizarre. C'est un coup de poker qu'ils ont tenté, hein. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont voulu tester. Moi je trouve ça plutôt malin, j'attends de voir justement. Ouais. Mais je trouve ça intriguant. Mais par contre, tu sens que comme ils en sortent deux films en un an là, qu'il y a un film qu'ils ont plus poussé techniquement que l'autre, en fait. C'est clair que ça fait moins prise de risque vice versa. Dans le design, etc., y a rien de nouveau comparé à The Good Dinosaur, enfin le voyage d'Arlo en VF. Mais je trouve que il y a quelques éléments comme la représentation des émotions, tu sais, un peu en un amas de lumière, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ça marche plus bien. C'est des espèces de particules, en fait, qui sont scotchées sur le personnage. Et je trouve ça vachement bien. Et après, c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait le côté lisse un peu du truc, mais le design n'est pas, y a pas une recherche incroyable, et puis il y a même des personnages un peu moches, comme je pense que c'est fait un peu fait exprès, mais genre le doudou de Riley là, je sais plus comment il s'appelle, l'éléphant bizarre, son ami imaginaire, il est pas très attirant et comme un doudou, quoi. Ouais mais voilà, je c'est un amalgame de plusieurs personnages C'est vrai que visuellement il est peut-être un peu en dessous de ce qu'on a pu voir. Après, c'est pas qu'au niveau design, hein. Moi c'est vraiment objectivement le côté purement technique, quoi. C'est vraiment le rendu de l'image à certains moments qui faisait un peu plus cheap que dans d'autres Pixar, j'ai trouvé. Bon, après c'est... Ah, et puis il est peut-être un peu moins, au niveau de la réalisation, il tente peut-être un peu moins de trucs. Enfin, un peu moins ambitieux, peut-être, ouais. Juste pour parler rapidement, justement, de vice versa, c'est vrai que je suis d'accord de façon globale avec vous. C'est vrai que les personnages sont bien choisis au niveau des émotions. Pareil, tout le système, la définition qu'on ont fait les Pixar sur comment fonctionne notre mémoire, nos émotions, et le tout ensemble quoi, le fonctionnement, voilà, le fonctionnement, tout ça, le fonctionnement ensemble, pardon, on va y arriver. C'est vraiment bien trouvé. Avec moi, ça m'a fait penser, j'en parlais avec Toon avant de préparer l'émission, c'était, ça me faisait penser en fait un peu à Super Mario Galaxy côté jeu vidéo, avec ces espèces de planètes, de mondes en fait, qui sont représentés par des centres oui, qui polarisent telle ou telle émotion, en tout cas les souvenirs heureux. C'est vraiment vraiment bien pensé avec ces tunnels, vraiment c'est cette grande bibliothèque qui regroupe vraiment tous les souvenirs, même les plus anodins, qu'a pu capter le cerveau. Graphiquement, alors je suis d'accord. Bon, techniquement, je ne connais pas forcément trop à ce niveau-là. C'était peut-être un peu gris par moment, mais c'était plus pour souligner la tristesse de Riley, hein, par rapport à la situation qui se présentait à elle et à ses parents. Je trouve qu'il y a toujours des effets de lumière qui sont vraiment, par contre, magnifiques. On avait déjà vu ça déjà sur Monstre Academy, justement, notamment les passages à l'extérieur qui sont assez bluffants, juste sur la gestion de la lumière. Après, évidemment, il y a tout le reste qui peut être d'un niveau vu d'un niveau en dessous. Le film, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que t'as l'impression, comme tu disais, Chronos, que le film a l'air d'être court. Je dirais pas que t'as à faire un moyen métrage, parce que c'est pas le cas au niveau de la longueur, mais alors c'est une bonne chose, tu vois pas le film passer, mais tu dis qu'il manque peut-être quelque chose en plus, peut-être une ou deux péripéties en plus pour en faire en faire peut-être un film entre guillemets plus consistant, parce qu'il est déjà quand même très sympa, et avoir l'ambition de pouvoir exprimer physiquement comment peut se représenter le cerveau humain et le cerveau d'une fille de 11 ans, c'est quand même assez assez fort. Et de le faire surtout de façon aussi explicite que ça, c'est quand même bien sympa pour être compréhensible de tous. Donc franchement, Pixar a fait du bon boulot là-dessus. Je vais me poser la question, c'est quoi le dernier Pixar qui était sorti au cinéma? C'était Monstre Academy, je crois. Ouais, ouais. D'accord. 2013. Ok, ouais, donc ça fait quand même une petite absence. Entre parce que justement, ils ont reporté Vice Versa. Oui. Et le voyage d'Arlo, ils ont reporté justement pour sortir cette année, enfin pour les sortir les deux cette année en fait. Ok, très bien. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Peut-être un peu dommage que les autres émotions soient pas mises entre guillemets plus en avant, mis à part en mode on est en crise, on sait pas comment faire. Même ouais, si c'est, c'est pour le côté comique qu'ils ont mis. Ouais, évidemment. Parce ouais. que évidemment le côté principal c'est la tristesse et la joie qui sont antinomiques. Ils sont ambivalents. Enfin ouais. Voilà, ils s'opposent donc forcément, alors que les autres sont plus complémentaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi par rapport à ça. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on voit les émotions des parents. Et je vous conseille d'aller. Je vous conseille d'ailleurs de voir le début du générique de fin, même tout le générique de fin d'ailleurs. Ah oui, ça c'est génial ça. Parce que c'est quand même assez assez cool, où vous verrez pourquoi, je vais pas vous raconter non plus, ouais. Donc vous laisser la surprise, mais je viens de me souvenir de ouais non, je spoil pas, mais ça c'était génial. Notamment avec des chats. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir un film comme ça qui a de l'ambition aussi. C'est quand même sympa d'arriver à vulgariser tout ça, parce que dire, pour parler de concepts comme la pensée abstraite, c'est pas toujours ouais, évident. Il y a des passages où c'est un peu pointu quand même. Et, c'est ça. Ouais. Mais la représentation est vraiment intéressante et c'est cool la façon dont c'est fait quoi. Et bon, tu sens aussi par rapport au train la référence, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais la Galaxy Express, tu sais où il y a le train qui emmène toutes les. Ouais. Et après c'est peut-être comment dire, peut-être pas fait exprès, et c'est peut-être la représentation, la meilleure représentation qu'ils ont pu avoir en tête. Mais voilà, ça me fait penser à des choses comme ça. Ce qui m'étonnerait pas de leur part, parce qu'ils ont, ils sont très ouverts là-dessus. Voilà, qu'il y en a plus, allez le voir, parce que c'est quand même... Un petit point vite fait sur ouais. le doublage français. Oui. Parce que c'était beaucoup de voix d'acteurs connus, des têtes d'affiche et tout. Et donc, moi, j'avais un peu peur par rapport à ça. Et en fait, il est très correct, je trouve, ouais, c'est le vrai. Doublage. Et Et voilà, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Ça passe très bien, ouais. Ça aurait pu ne pas être le cas. C'est sûr, parce qu'il y a des fois, il y a des choses assez catastrophiques. Bah, pas forcément catastrophiques, mais bon. Pas forcément très travaillé non plus à ce niveau-là, quoi. Je crois qu'il y avait pas d'acteurs connus qui doublaient des personnages, si. Ah si, t'avais Marie-Lou Berry. Bah, les émotions, ouais, c'est Marie-Lou Berry. Ah oui, c'est vrai. Mélanie Laurent. Charlotte Lebon, non? Charlotte Lebon. Merde, comment il s'appelle? Pas Gilles Lelouch, pas encore lui. Si, Gilles Lelouch pour la colère et Niné, Pierre Niné pour la peur. Ah, putain, c'est bien, c'est quoi, j'ai même pas fait attention en fait. Bah non, à part Marie-Lou Berry qui se reconnaît vraiment bien pour la tristesse. Sinon, ça va. Hein. Le reste est plutôt, ouais. On fait pas attention, ouais. On peut peut-être parler rapidement. Il y a un article qui est sorti sur les différents. En fait, Pixar, je ne sais pas si c'est les seuls à faire ça, mais il y a eu des. En fait, le film est représenté de différentes façons. Il y a des scènes qui ne sont pas les mêmes. Alors, les scènes sont les mêmes, pardon, c'est juste des détails dans les scènes qui ne sont pas les mêmes selon les pays dans lesquels le film a été diffusé. Par exemple, tout simplement, à un moment, on voit, sans spoiler d'aucune façon, on voit le père, les trois, la mère, le père et la fille qui sont à table en train de manger ensemble, et le père pour essayer de s'évader de la discussion assez animée qu'il y a entre la fille et la mère, pense à voilà par ailleurs et pense à au niveau de son esprit, pense à alors c'était chez nous, c'était un match de foot, si je ne dis pas de bêtises, et en fait aux États-Unis c'était un match de hockey. Alors, ce qui est un peu ridicule dans ce cas-là, puisque par la suite on les voit jouer tous les trois ensemble au hockey. Même avant, je crois, même dès le début du film, oui, on bah, le voit. C'est un élément important du film. Ce qui est un peu idiot, du coup, de représenter du foot alors qu'on aurait très bien pu comprendre avec du hockey que c'était une façon pour lui de s'évader, de pas avoir de prise sur cette discussion animée. Chose plus intéressante aussi, c'est la version japonaise. Alors je sais plus, du coup, c'est ce que mangeait Riley, parce qu'il mangeait des brocolis. Et les brocolis sont, je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié au Japon, donc ils voulaient mettre autre chose à la place pour avoir une image, on va dire, négative par rapport à ce qu'elle mangeait et faire, on va dire, apporter pour eux une compréhension supplémentaire dans le film. Je crois que c'est ça. J'ai pas lu l'article précisément, mais il me semble que c'est une histoire comme ça. Et c'est intéressant de se dire qu'ils ont fait ça pour vice versa. Alors ils l'ont peut-être fait aussi pour d'autres films précédents. Ça me dit rien du tout. De s'adapter. Je sais qu'après ça arrive relativement souvent, mais par exemple moi le dernier exemple en date que j'ai c'est Les Gardiens de la Galaxie. Où Groot, il parle dans la langue, enfin, Vin Diesel qui fait Groot fait toutes les langues, ouais. Le doublage dans toutes les langues. Et il a fait notamment une faute, une faute de français qui a fait que finalement ils l'ont gardé parce que c'était assez cool. Ouais. Je s'appelle Groot ou un truc comme c'est ça. C'est ça, ouais. Je s'appelle Groot. Quelque chose à ajouter, messieurs, par rapport à Vice Versa? C'était cool. Ouais, c'était cool. Ben voilà, très bien. Donc on n'aurait pas pu, on n'aurait pas dû passer un quart d'heure dessus, on aurait dû se dire c'est cool. Pour finir. On va passer maintenant à Dragon, non pas le film, mais Dragon par-delà les rives. Allez, bien joué ! Cet été, Harold et Croque-Mouche sont de retour. C'est génial, hein mon grand ? DreamWorks présente une toute nouvelle série originale Netflix. T'es prêt, Croque-Mouche ? Attention, 2500 kilos de flammes et de muscles ! Découvrez les mystères de nouveaux mondes. Tu as déjà vu un truc comme cet œil de dragon ou quelque chose qui y ressemble ? C'est des cartes d'île qu'on n'a jamais vues. Wow. Il faut absolument les explorer. De nouveaux dragons. De nouveaux adversaires. Harold, ça je prends. Il est à moi et rien qu'à moi. Merci infiniment. Et de nouvelles aventures. Laissez de côté vos idées de dingue. Les idées de dingue, c'est notre spécialité. T'as oublié ? Avec 13 nouveaux épisodes. Ça change. Ah, Dragon par-delà les rives. Alors voilà le plan. Mais je préfère le tien. Vivez l'aventure uniquement sur Netflix. Alors, on vous en avait parlé dans les news de l'émission précédente, oui. Toontoon notamment, parce qu'il est arrivé sur Netflix. Hein, c'est toujours développé par DreamWorks. Et le partenariat avec Netflix, ça fait qu'ils sont disponibles tous au moment de la sortie. Alors, on retrouve la même équipe. Donc, on retrouve notamment Harold et Croque-Mou qui partent à la découverte de nouveaux mondes étranges au-delà des frontières de Burk. Donc, Burk, c'est le royaume où ils habitent. Et cherchent des espèces de dragons jusque-là inconnues. Parviendront-ils à stopper définitivement la guerre entre les Vikings et les dragons? Accompagnés de leurs amis, nos deux héros tombent sur le mystérieux œil de dragon, un objet ancien rempli de secrets qui va les mener vers de nouvelles aventures riches en action. Très vite, hein, ils seront poursuivis par des chasseurs de dragons. Ce serait marrant un spin-off. Qui ne reculeront devant rien pour s'emparer du pouvoir de l'œil de dragon. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Toontoon? Alors, déjà, ce par rapport à la précédente série, notamment. Voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la saison 3 de la série Dragon. Et que c'était diffusé par Cartoon Network. Et maintenant, c'est Netflix qui produit et du coup qui diffuse. Et cette saison 3 est divisée en deux parties. Donc la première qu'on a eue le 26 juin dernier et qui représente 13 épisodes. Et la deuxième partie de la saison 3 qui va arriver à la fin de l'année. Et qui vont faire les 13 épisodes suivants pour compléter la saison. Et donc en fait on voit la différence clairement, le changement de diffuseur avec l'arrivée de Netflix qui j'ai l'impression ont injecté plus d'argent parce que techniquement c'est quand même bien au-dessus de ce qu'il y avait avant. Donc c'était la Cavalier de Burk et je sais plus le nom de la deuxième saison ou de la première, enfin voilà, c'est techniquement beaucoup plus réussi. Après, ça reste pas ouf, clairement, au niveau des décors, au niveau de l'animation. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très déséquilibré. Enfin, il y a des passages vraiment très jolis. Et il y a beaucoup d'autres où c'est très moyen, voire pas bon du tout, quoi. Avec des textures un peu dégueulasses, etc. Mais bon, faut voir que c'est une série de 13, donc enfin 2 fois 13 épisodes en 3D. Forcément, ce sera pas au niveau du film. Et malgré tout, ça reste regardable, on va dire. C'est pas désagréable, même s'il y a beaucoup de détails qui piquent un peu. Ça reste relativement agréable à regarder. Surtout par rapport à la cible. Donc la cible, c'est des enfants, hein, clairement. On tombe dans un schéma assez assez classique en fait. Donc il y a les cinq protagonistes qui sont Harold et sa bande en fait, chacun avec leur dragon, et ils découvrent l'œil du dragon qui est un accessoire qui permet de découvrir un trésor apparemment. Et du coup ils vont sortir de l'archipel dans laquelle ils étaient, donc l'archipel où se trouve le village de Burk, et ça va être les premiers du village à faire ça, et du coup ils vont se trouver une petite île où mettre leur camp de base. Donc ça c'est en gros les 4 premiers épisodes, et malheureusement après le coup de l'œil du dragon il disparaît un peu pour faire les aventures de la bande de 5 là autour de leur camp. Alors du coup ils protègent leur camp d'attaques de différents dragons, des chasseurs de dragons aussi. Ils vont chercher des trésors vite fait dans les îles alentours et tout, mais ça reste très statique au niveau de l'action. Ça reste autour de leur île, on oublie complètement ou quasiment complètement l'œil du dragon, et du coup c'est un petit peu dommage parce que c'est le postulat de départ et que au final sur les 2/3 de la série, enfin de la saison, on voit pas quoi. En plus de ça on a des persos qui n'évoluent quasiment pas, à part je ne sais plus comment il s'appelle, mais le petit gros un petit peu timide et tout, un petit peu sensible, qui évolue un petit peu et qui voilà, ses sentiments vont changer un petit peu, et du coup, c'est bienvenu parce que le reste des personnages n'évolue absolument pas. Et c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes blagues, c'est toujours les mêmes situations. Donc c'est sympa, mais c'est le même schéma tout le temps, et du coup, bah, c'est vraiment très enfantin, quoi. Que ça soit au niveau de l'humour ou la place qu'on laisse par exemple aux deux jumeaux là qui sont un peu la caution drôle de la série. Voilà, c'est pas fou. Ça se regarde bien. Les 13 épisodes, je les ai regardés en un peu plus d'un week-end et voilà, ça se passe, mais c'est pas non plus un truc de dingue, quoi. Donc c'est pas très original. En tout cas, c'est tout à fait dispensable par rapport aux deux films, en fait. Voilà, ça étend l'univers, on a des nouveaux personnages et tout, mais ça reste là, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'on apprend beaucoup du coup ? Il y a quand même beaucoup de mystères qui sont encore à lever. Ouais, je pense que ça sera plus, j'espère, sur la deuxième partie de saison. Ouais. Enfin, j'espère, je m'en fous, parce que je pense que je vais pas regarder la suite. Mais, bah, en fait, pour moi, c'est le truc principalement le plus décevant, on va dire. C'est que le postulat de départ, c'est-à-dire l'œil de dragon, bah, au final, il est un peu abandonné, quoi. Ouais. Au bout de 4 épisodes, donc c'est un peu dommage. C'est une amorce avant de laisser la place à des one-shots au niveau ouais, des épisodes. Ouais, c'est quoi. Ça, c'est des petites histoires un petit peu rigolotes qui se finissent en un épisode, et puis voilà. Donc, c'est une série pour les enfants, clairement, qui ont aimé l'univers de Dragon, et pour ceux qui ont vu un petit peu plus que les enfants auront pu voir, c'est pas intéressant, enfin voilà, c'est pas, ça mérite pas une vision. Au niveau de l'histoire, ça se passe après le deuxième film, avant, un an et demi avant. Ouais, d'accord. Donc c'est après les deux premières saisons, c'est 4 ans après le premier film, et c'est un an et demi avant le deuxième. Ok. Très bien, alors on va passer, si tu as rien à rajouter par rapport à ça, Tonton, on va passer à la suite, et on va passer notamment aux mignons. Vous pensez connaître les mignons ? Y'a qui est en ligne ? Mais vous ne connaissez pas ? Allô ? Oula ! Bob ! Wapa ! Stuart ! Mes belles ! Kevin ! Hein ? Qui a fait ça ? C'est toi ! Hein ? Mais... C'était super ! Thank you. Désormais. Alors, les mignons, pour ceux qui ne connaissent pas... Ouais, qui ne connaît pas ? ça existe encore, j'imagine. Hein. Mais ce sont en fait des personnages qui servent de, comment dire, de valets, de faire valoir aux grands méchants pour les aider à atteindre leurs objectifs machiavéliques. Et donc, je vais vous lire rapidement le résumé hein, pour comprendre les enjeux importantissimes du film que le film pose au début. Donc, à l'origine de simples organismes monocellulaires, de couleur jaune, les mignons ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les mignons dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle, et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens. Nos trois mignons se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur nouveau maître, Scarlett Overkill, la première super méchante de l'histoire. De l'Antarctique au New York des années 60, nos trois compères arrivent finalement à Londres où ils devront faire face à la plus terrible menace de leur existence, l'annihilation de leur espèce. Ouh. Donc c'est développé par le studio Illumination MacGuff dont on a parlé tout à l'heure avec Universal Pictures, et donc c'est réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda. Alors vous l'avez vu tous les deux, Chronos et Tuntun. Chronos, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai trouvé ça plus qu'au moyen. Ouais. Parce que j'avais vu la bande-annonce et ça me peu tenté, pas trop mal, on va dire. Enfin, au moins, ça me, la bande-annonce m'avait fait marrer. Avec, enfin, c'était centré, surtout centré sur les, sur le début où on les voit à travers les âges, etc. Effectivement, dans le film, c'est assez marrant. Mais après, donc j'étais un peu sceptique sur effectivement sur le côté mignon pendant 1h30 et effectivement c'est un peu ça qui se passe, c'est que c'est des gags qui sont très répétitifs, pas très drôles la plupart du temps, enfin sauf pour les gamins, je pense que les gamins ils vont adorer, mais disons que ouais, c'est pas foufou quoi au niveau de l'histoire. Tu regardes, c'est juste une succession de gags en fait, pas très inspiré, les enjeux sont pas très intéressants, parce que t'as une histoire avec justement Scarlett Overkill qui veut, enfin je raconte pas l'histoire entière, je vais pas spoiler non plus hein. Mais c'est juste que il y a des sortes de trucs ou des retournements de situation qui font que du coup les mignons, enfin au niveau des enjeux, c'est pas très clair, quoi. C'est pas très établi, c'est pas très intéressant. Tu regardes juste pour les gags, et encore, il y en a qui sont pas très drôles. Par contre, techniquement, ça tue la tronche. Faut reconnaître que vraiment au niveau des plus gros trucs américains, genre DreamWorks et Pixar, ça, y a pas de doute. Je pense que c'est vraiment avec eux le trio de tête en termes de qualité visuelle. Parce qu'en plus ils se permettent de varier les décors à fond, surtout au début où tu les vois à travers les âges, il y a de la neige, il y a de la jungle, il y a du désert, des ambiances comme ça, ouais voilà c'est ça, et en plus t'as de la ville où ils arrivent à New York, et puis ça dure je sais pas, même pas 10 minutes, et ensuite ils passent à autre chose, t'as un truc à Londres, enfin au niveau des ambiances c'est assez hallucinant, et c'est toujours réussi, et enfin là, surtout que moi qui bosse dans le milieu, c'est vraiment, vraiment impressionnant quoi. Là, de ce côté-là, par contre, j'ai surtout hâte de voir leur prochain film avec des pitchs plus intéressants, pour voir justement ce qu'ils vont faire avec une telle maîtrise visuelle. Mais après, l'histoire en elle-même, enfin le film en lui-même, ça m'a pas... ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi, on va dire. Ok. Tuntun, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à ce qu'a dit Kronos, notamment ? Tout pareil, c'est ultra attendu... La bande-annonce de toute façon dit à peu près tout, donc voilà, t'as vu la bande-annonce, t'as vu le film. Il y a peu de surprises, il y a un rythme, enfin de toute façon voilà, les mignons sur une heure et demie, c'est long, c'est beaucoup trop long. La partie intéressante, effectivement, je trouve c'est le début quand on les voit avec les différents méchants et tout. Et je pense que cette partie-là mériterait un plus gros développement en fait, pas dans le film mais peut-être en série ou en moyen métrage comme peut le faire Pixar avec les Toy Story par exemple. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant que là en fait l'histoire en elle-même n'est pas intéressante et voilà, et je trouve il y a pas grand chose. Alors ouais, techniquement il est très très réussi, les décors sont ouf, comme tu le disais, Kronos, et voilà, j'ai bien aimé quelques personnages secondaires, la famille de Braqueur est super drôle, Scarlett avec son copain et son pas mal aussi, le copain de Scarlett est super bien écrit et il est très intéressant à suivre, et justement, ça mériterait d'en faire un personnage dans autre chose, en fait. Mais sinon, bah, voilà, quoi, c'est un petit peu lourd, et c'est un peu attendu, et c'est un peu attendu que c'était un petit peu lourd, quoi. Donc, voilà, franchement, pas un film à aller voir au ciné. Enfin, si, pour les décors, à la rigueur, mais... Mais voilà, le film en lui-même n'a pas grand chose d'intéressant. Non, voilà. Il n'a rien de vraiment intéressant. Ok, très bien. Bah, merci en tout cas pour ce... Ça n'empêche que beaucoup de gens autour de moi ont beaucoup aimé le film. Et je comprends aussi pourquoi il est à quasiment 5 millions d'entrées là, à l'heure où on parle. Ouais. Parce que c'est clairement un film taillé pour le grand public, quoi. Oui, c'est sûr. Évidemment. En plus, avec la promo qu'ils ont fait, enfin, c'était. Ah, voilà, ouais. Enfin, je veux dire, t'as un gamin, t'es obligé d'aller le voir, quoi. C'est, ouais. Y a pas de choix. Bah oui, c'est difficile de passer à côté. Ah non, mais le gamin, il voit ça sur ses paquets de céréales, dans le métro, partout. Enfin, je veux dire, même, y a pas. Pour la petite anecdote, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais dans mon rayon fruits de mon supermarché, il y a pour désigner les bananes, ils ont mis des mignons à côté. D'accord, ouais. Voilà, c'est pour dire qu'ils sont là, absolument partout. C'est impressionnant. C'est une déferlante. Très bien. Et en même temps, ils ont raison, parce que quand tu vois la différence entre le premier Moi Moche et Méchant, qui avait été plutôt un bon succès, le deuxième qui avait été un carton énorme, qui avait fini à 4 millions, plus de 4 millions d'entrées en France, et qui avait fait... je sais plus, 900 millions de dollars dans de recettes dans le monde, quelque chose comme ça. Et là, vu comment vu où il en est, les mignons au box office en France, c'est-à-dire près de 5 millions, et au box office mondial, où il est déjà très impressionnant, tu te dis, bah forcément, ils ont raison, quoi. Ils ont raison parce que ça fait un carton monumental. Je suis là, là-haut. Bonsoir. Il était une fois un petit prince qui avait besoin d'un ami. J'ai volé à peu près partout dans le monde, jusqu'à ce qu'une chose miraculeuse se produise. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. J'ai toujours voulu trouver quelqu'un avec qui partager mon histoire. Mais je crois que ce monde est devenu trop adulte. Ce n'est que le début de l'histoire. Et bien on va passer maintenant à la dernière critique de cette émission, puisque Chronos, tu vas nous parler du Petit Prince que tu as eu la chance de voir. Oui. Un film français. Et franco-canado-américain, on va dire, un truc ouais, comme ça. Ouais, parce que le réalisateur est américain. Ouais. Ouais, c'est Marc Osborne qui a réalisé Kung Fu Panda, si je dis pas de bêtises. Ça. Donc Le Petit Prince, qui n'est pas une adaptation du Petit Prince, qui est un film sur Le Petit Prince. Qui raconte du coup l'histoire d'une fille. Alors, d'ailleurs, je viens de me souvenir, mais les personnages n'ont pas de nom, c'est important de le noter. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenir. Donc, c'est juste une fille qui va avec sa mère, en fait, qui arrive dans une sorte de banlieue un peu classique, avec les maisons qui se ressemblent partout. Vraiment le quartier un peu huppé. Et sa mère, justement, veut faire réussir sa fille et va commencer à régir sa vie en lui faisant le planning de toute sa vie pour qu'elle puisse rentrer à l'université de je sais plus quoi pour justement gagner, enfin avoir un métier super important. Et du coup, ils sont vraiment en mode, on bouge pas du planning, on fait vraiment les choses sérieuses, sans divertissement ni rien, et forcément il y a un petit vieux qui habite juste la maison à côté, et qui lui s'éclate justement à essayer de faire décoller des avions, à avoir des petites folies en fait, qui vont venir perturber la vie de la jeune fille, et qui va s'attacher à lui, et qui vont, le vieux en fait va raconter une histoire selon laquelle il existe un petit prince sur une planète éloignée, et qu'il a rencontré il y a fort longtemps quand il était aviateur. Donc on peut penser que c'est Saint-Exupéry lui-même qui joue le petit vieux, enfin que c'est le petit vieux qui est Saint-Exupéry, enfin oui. Ça, on peut se poser des questions. Et du coup, à travers ça, justement, à chaque fois qu'on raconte l'histoire, on va voir des séquences en papier découpé, tout en stop motion, justement, qui racontent des petits passages du bouquin original, avec le renard, avec la rose, des choses comme ça. Et en fait, le film justement est basé sur... Enfin, le film raconte justement l'histoire de cette fille qui va essayer de sortir de cette routine adulte, en fait, pour devenir une adulte, et veut rester justement enfant et profiter de tout ce qui fait qu'elle est une enfant pour pouvoir jouer, pouvoir découvrir des choses, alors que sa mère, justement, veut la ramener du côté des adultes pour pas qu'elle finisse n'importe comment, quoi, comme le vieux, justement, qui est un peu dans une baraque à l'arrache, avec des plantes partout, etc. Et du coup, le film est... Enfin, j'ai pas super apprécié, parce que, en utilisant justement une matière qui est vraiment très forte, c'est-à-dire Le Petit Prince, ça raconte vraiment beaucoup de choses, ça raconte le pouvoir de l'imagination, c'est les adultes contre les enfants, et ça c'est un truc qui va être repris vraiment sur tout le film, mais il n'y a pas que ça dans Le Petit Prince, et malheureusement je trouve qu'il se sert de ce postulat de « on va justement confronter le monde des enfants au monde des adultes », Et on va en faire un film là-dessus en se servant du Petit Prince pour justement illustrer ce propos, quoi. Ce qui fait que du coup, j'ai pas trouvé ça terrible parce qu'il utilise vraiment ça de façon très américaine, on va dire. Un truc qu'on a déjà vu partout. Enfin, je veux dire, les adultes contre les enfants, c'est un truc qu'on a... Enfin, c'est pas limité au Petit Prince, qu'on les voit partout. C'est vraiment la plupart des films qui mettent en scène des enfants. C'est surtout pour se confronter aux adultes, et ce film-là, c'est que sur ça. Malheureusement, je trouve que ça pervertit un peu l'œuvre originale, surtout dans la dernière partie que je spoilerai pas, mais qui vraiment déjà qui est un peu chiante, et en plus qui confirmait mes craintes quand j'étais dans le film. Mais j'ai trouvé ça assez raté, pas toujours respectueuse de l'œuvre originale, justement, surtout à la fin, parce que justement, elle amène une morale. Une morale mollassonne américaine qu'on a vue partout et qui est basée sur Le Petit Prince, je trouvais ça un peu sale, quoi. Après, techniquement, toutes les parties en papier découpé, ça c'est vraiment top, c'est le meilleur passage du film. Oui. Ça, il n'y a pas photo, c'est super charmant, super joli, ça marche super bien. En plus, avec la VF, c'est la voix VF du vieillard qui raconte, c'est André Dussolier, je crois. Oui, c'est ça. Vachement... pour raconter une histoire, il est vraiment, vraiment génial. Ouais. Donc ça marche super bien. Après, la partie dans l'univers classique, c'est pas génial, c'est assez léger. Il y a des passages réussis quand au niveau de la lumière, ils arrivent à faire un truc sympa, mais dans l'ensemble, c'est pas oufissime. Donc voilà, ça m'a pas vraiment marqué. Il y a des petits passages sympas, hein, entre des petites scénettes entre le vieux et la gamine qui sont touchants, les passages en stop-mo qui sont vraiment réussis. Mais toute la fin est vraiment pas terrible, j'ai trouvé, et dans l'ensemble, ça m'a pas... Ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais, ça m'a un peu déçu. J'ai trouvé cool au début l'idée de pas adapter le Petit Prince de façon bête et méchante. Oui. Ce concept de vraiment de tourner un peu pour essayer d'amener quelque chose d'autre, mais du coup c'est pour amener une morale à la con qu'on a déjà vu mille fois et qui colle pas au Petit Prince, parce que le Petit Prince c'est pas uniquement les adultes contre les enfants, quoi. C'est vraiment vraiment, ça raconte beaucoup d'autres choses, et se limiter à ça, je trouve ça un peu naze de se servir de ça pour juste raconter ça, quoi. Ouais. Ouais, tu trouves que ça manque d'ambition, en fait, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire Ça manque d'ambition. Disons que le mec, il a vu que c'était une histoire sympa, une histoire, un conte pour enfants sympathique, et il s'en sert pour raconter ce qu'on a vu partout ailleurs, quoi. Pas faux, dommage. Ouais, c'est sûr. Bon, de toute façon, ça a peut-être marché, je pense. Parce que le film cartonne bien, hein. Je crois qu'il, quand il était sorti, il a plutôt bien marché. C'était le premier, dans les films où il est sorti, la semaine où il est sorti, c'était vraiment le premier des box-office. Je pense qu'il va quand même faire un joli score. Oui. Parce que le film a quand même des qualités. Il est pas mal parti, hein. Je pense qu'il est bien parti. Le film a des qualités. Il a quand même une image assez forte. Une image assez forte, mais je dois avouer que le film ternit un peu cette image, malheureusement. Surtout que, si je dis pas de bêtises, il a été montré en avant-première à Cannes. À Annecy. À Annecy, oui. Ah oui. Et les critiques qui avaient été très très mitigées. Ouais. Comme la tienne, en fait, au final. Ouais, franchement, c'est... Franchement, c'est peut-être le fait que ce soit un américain qui adapte une œuvre qui est beaucoup plus européenne en fait qu'américaine. Peut-être, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est. Après, le producteur est français, donc à mon avis, le producteur a aussi eu. Ouais, peut-être, mais tu sens vraiment le côté américain dans le film. C'est ça le truc. Ouais. Ouais, ça dénature un peu ce qu'est le Petit Prince. Ouais. Ouais, j'ai trouvé vraiment que ça dénaturait l'œuvre, quoi. C'est un peu dommage. Ok. Très bien. D'autres choses à rajouter, messieurs ? Non, je crois que c'est tout. Ben du coup, on va pouvoir finir avec on a fini du coup avec la partie critique. On va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission qui concerne notamment notre dossier. Et je vous avais parlé au début de l'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une émission jeunesse qui nous a tous marqués, hein, si je m'avance là-dessus, mais je crois pas avoir tort. Parce que c'est Sacartoon qui diffusait tous les dimanches soirs à la suite des cartoons parmi les plus connus, des Bugs Bunny, du Tom et Jerry, voilà, plein de morceaux cultes du Bip-Bip-Bip Coyote notamment. Et on va voir que l'émission sur sa durée a pas mal changé, pas mal évolué, que ce soit sous la forme et ou sur le fond, en proposant d'autres dessins animés que ce qu'on avait eu l'occasion de voir. Donc on va voir tout au long de ce dossier qui va nous permettre de revenir sur ces années-là et sur se dire que l'on en a nous également lorsque l'on regardait l'émission. Alors donc Sacartoon, c'est une émission qui était diffusée sur Canal+ en clair. Donc du 16 février 86 au 17 août 2008, donc ce qui est ensuite sur Canal+ Famille du 24 août 2008 au 29 mars 2009, ce qui laisse quand même une émission qui a connu 23 ans de diffusion à la télévision, ce qui est quand même énorme, je trouve, pour ce format-là. Alors, pour le faire de façon le plus distincte possible, le plus pratique possible, on a divisé en fait les différentes émissions par période, sur la forme qui évoluait en fait. Donc on va de 86 à 91, de 91 à 94, de 94 à 2000 et de 2000 à 2005 jusqu'à 2005-2008 et 2008-2009. Donc tout a commencé de 86 à 91 avec évidemment Sacartoon ne serait pas Sacartoon sans Philippe Dana qui en a été le présentateur du début jusqu'à la fin, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à Canal+ Family. C'est ça. Alors le but, en fait, c'était notamment de diffuser de l'animation avant le film qui passait sur Canal+ à 20h30, donc de 86 à 91. Il faut savoir aussi qu'avant que Philippe Dana arrive sur l'émission, à l'origine, c'était Alain Chabat qui devait présenter ses cartoons. Finalement, il était sur d'autres projets, d'autres choses, et du coup, c'est Philippe Dana qui a eu l'occasion de présenter, même si lui, le présente aussi directement, le dit sans problème, c'est que lui ne regardait pas plus que ça les dessins animés, en tout cas les cartoons, ça lui parlait pas plus que ça, c'était pas non plus une passion dévorante pour lui, mais qu'il a appris à les connaître, à les regarder, à les apprécier évidemment. Le décor était aussi assez spécifique, hein, ça changeait de ce qu'on a pu voir nous, parce que ça se passait dans une salle de cinéma où ils présentaient les différents dessins animés. Ce qui permet notamment de rappeler le fait que les dessins animés étaient produits, les cartoons notamment étaient produits aux États-Unis pour passer au cinéma, ce qui permet d'apprécier aussi la qualité de ces cartoons, qui restent encore aujourd'hui, même anciens, de très belles factures. Alors on a déjà l'occasion de voir du Bugs Bunny, du Daffy Duck, du Woody Woodpecker, du Tom et Jerry. Canal+ avait racheté par palette entière les cartoons américains pour les adapter et les diffuser à la télévision française. À noter pour l'anecdote, c'est que dans la première émission notamment, dans le décor du cinéma, on retrouve Dominique Farrugia en tant que projectionniste et l'assistant réalisateur de l'émission n'est autre que Michel Hazanavicius, que l'on connaît notamment pour le Grand Détournement, OSS 117, ou encore The Artist plus récemment. Donc voilà, c'était un peu le lancement de l'animation, en tout cas de ces cartoons sur Canal+. Alors, on va pas forcément parler plus longtemps que ça, puisque de 86 à 91, certains n'étaient même pas nés, et à 91, moi j'avais 5 ans, je crois que je suis le plus vieux des 3, donc forcément, j'ai pas forcément un souvenir impérissable de fête de cette partie-là de l'émission, hein, même si on retrouve déjà la base de ce qu'était, de ce qu'est ces cartoons, de ce qu'on a pu voir de ces cartoons. Vous avez peut-être vu des émissions de cette époque-là ou pas du tout? Ouais, bah, j'avais 5 ans aussi en 91, donc du coup, c'était à peu près. Ouais, je pense que j'ai plus vu du côté. Après que ce soit revenu avec Philippe Dana tout seul. C'est vrai que ouais. le côté journalier, ça me disait vraiment rien en fait. J'étais vraiment surtout sur la période dimanche soir après le film de 18h. Ouais, oui, pareil. D'ailleurs, j'attendais la fin du film de 18h pour voir ce carton. Ouais. Tu vois les génériques de fin en crypté. C'est ça. J'ai dit, ah, ça y est, ça arrive. Donc, il y a eu de 91 à 94 une collaboration à deux pour la présentation. Je t'ai peut-être coupé, pardon, Toontoon, t'as peut-être quelque chose à rajouter par rapport non, à ça ouais, exactement pareil que Chronos. Très bien. Plus la période dimanche soir. Donc de 91 à 94, en même temps c'était que dimanche soir déjà hein, à l'époque, ouais. 86 à 91. Hein. Ouais, mais il y avait la quotidienne. Ah ça c'est 91 à 94. Ouais, c'est ça. Ça c'est après. Moi du coup c'est après. Voilà, donc on va dire on passe de 86 à 94 on va dire. Où c'est vrai qu'il y a le passage en quotidienne avant nulle part ailleurs. Donc la diffusion était de fait moins longue, mais ça se passait tous les jours. Donc finalement sur la semaine, on était j'étais prêt à dire les auditeurs, mais les spectateurs, les téléspectateurs étaient gagnants sur la durée. Alors les Looney Tunes prennent plus de place sur le programme, dans le programme avec toujours Tom et Jerry qui concluent l'émission. Mais ça c'est devenu on va dire une règle immuable par la suite. Hein. Alors, on savait très bien que le meilleur moment c'était la dernière, mais c'était le dernier moment, c'est-à-dire qu'après il n'y avait pas de cartoon. C'est un peu triste. Et donc voilà, cette période-là est assez. Dis le meilleur moment, tu prends position tout de suite, du coup. Ouais, tout de suite, ouais, je suis obligé. De 91 à 94, donc on va laisser pareil hein, cette période un peu de côté parce que finalement, ces cartoons déjà commençaient à prendre ses. Une place de plus en plus importante, ne serait-ce que par sa présence en semaine avant de revenir sur le dimanche. De 94 à 2000, c'est certainement l'âge d'or, entre guillemets, de l'animation, donc de ces cartoons sur Canal+, puisqu'on retrouve uniquement Philippe Dana à la présentation, et c'est aussi la première fois que les toons l'accompagnent de l'animation. Alors, au début, c'était de façon passive, et ensuite, il y a eu un vrai jeu d'acteur, entre guillemets, en tout cas, quand je parle de jeu d'acteur, en tout cas, il y avait une mise en scène qui était mise en place avec, entre l'animateur et les Toons. Donc là, ça vous parle plus, j'imagine, ne serait-ce que pour le rappel Roger Rabbit. Clairement, et même, enfin, pour moi, à l'époque, Roger Rabbit, je connaissais pas. Et pour moi, c'était vraiment. En dehors du fait de la diffusion des dessins animés qu'on aimait réellement, quoi, il y avait ce côté animation qui était un truc de dingue, quoi. À l'époque, tu voyais le mec Philippe Dana qui discutait avec des Toons, quoi. Donc c'était pour les gamins. Moi, à l'époque, je regardais ça, j'avais moins de 10 ans et c'était le pied, quoi. Mm. Donc c'était un truc un peu. Quasiment jamais vu, même si après rapidement il y a eu des copies sur les autres chaînes, enfin des copies entre guillemets, mais ils ont repris le principe. C'est vraiment sa cartoon qui a lancé ce truc là et c'était très impressionnant quoi. C'est clair. Je vais te poser une question, Chronos. Est-ce que toi tu as déjà eu l'occasion de travailler sur de l'animation, sur ce type d'animation, c'est-à-dire avec l'intégration de l'animation dans un décor réel hein? Je sais qu'il y a eu des projets comme ça là-bas où j'étais, mais ça, j'ai jamais eu l'occasion de bosser dessus. Après, il me semble, si je me souviens bien sur ces cartoons, qu'en fait, ils reprenaient des morceaux de dessins animés connus. Et qu'en fait, ils redoublaient avec les doubleurs français. Du coup, c'était un peu un mélange justement de choses comme ça. Donc, à mon avis, ils avaient juste à découper. Ou peut-être que Warner leur fournissait aussi des. C'est possible, hein, qu'ils leur fournissaient aussi des personnages sans le décor. Juste des les calques sans les décors, donc pour pouvoir les intégrer facilement, ça c'est possible. Mais je sais pas si ça se faisait, ils avaient les Looney Tunes, ils étaient diffusés sur Cartoon Network à l'époque, et ils avaient une émission spécifique, et en fait je me demande, je sais pas si c'était le cas, mais je me demande s'il y avait pas ça sur les plateaux aussi pour animer l'émission américaine. Que justement ils fassent ça, enfin, à mon avis c'est des trucs enregistrés, donc après ils les bossent un peu comme ils veulent, quoi. Ouais. Mais ouais, à mon avis ils font des choses comme ça, surtout qu'en plus les doubleurs français, enfin en France en tout cas, ils les rappellent comme ils veulent, et vu que c'est cartoon, ça cartonnait bien, si je puis dire, du coup français, ça c'était assez facile de les avoir, je pense. Ouais. Ouais, par contre, il me semble que c'était quand même assez long en termes de fabrication, tu veux dire. Ouais, en termes de fabrication, ouais. Et que sur une semaine, ils avaient pas trop d'une semaine pour faire ça, pour tout mettre en place et tout gérer. Bah, surtout qu'à l'époque, il y avait pas les outils qu'on a maintenant, et que à mon avis, ça devait être beaucoup plus galère que maintenant, ouais, de faire ça, quoi. C'est de l'analogique et. Bah, j'imagine qu'ils enregistraient quand même longtemps à l'avance, quoi. Ils faisaient pas la semaine. Ouais. Ah oui, bien sûr, bah, mais ouais. Voilà, il fallait quand même une certaine préparation pour faire ça, quoi. Et... Bah oui, c'est clair. Chose que l'on reverra, un mode de diffusion que l'on reverra aussi par la suite quand les Looney Tunes passeront sur France 3, ou alors il y aura pas là, évidemment, d'animateurs face à eux, mais ils auront. Ils auront, comment dire, bah, ils discuteront entre eux, ils feront discuter les toons entre eux, pardon. Avec beaucoup de reprises de matériel déjà existant, en fait. Oui, évidemment. Donc voilà, c'est quand même une période qui est déjà assez longue, 6 ans, où voilà, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Je sais pas si on peut déjà parler d'audience, mais. Dans un article de 2006, j'ai trouvé une audience de 1,3 million de spectateurs en moyenne entre 19h35 et 20h30, ce qui est quand même énorme. Pour Canal+, J'entends évidemment, parce que c'est une chaîne principalement cryptée, donc parler d'audience n'a pas forcément d'intérêt ou n'est pas forcément comparable, mais en tout cas 1,3 million de spectateurs, c'est quand même assez impressionnant. Donc de 2000 à 2005, à l'arrivée d'une co-animatrice, Ludivine Lavenne, qui permet de renouveler un peu le standard de présentation, ce qui est pas plus mal, quoi. Je trouve qu'elle a vraiment de souvenirs que j'ai, c'était assez intéressant, ça permettait de faire des choses peut-être plus élaborées. Ouais, sans ils allaient plus loin dans les scénarios avec. Voilà. Exactement. Un espèce de bureau d'enquête, enfin il y avait un laboratoire. Parce que du coup Philippe Dana jouait le professeur, et enfin ouais, il y avait plus de mise en scène, on va dire, et en plus t'avais un vrai duo entre Philippe Dana et Ludivine Lavenne. Ça marchait bien. Et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'ils pouvaient à la limite faire des fois des scénettes sans faire participer les toons, et donc ça pouvait leur faire gagner du temps aussi pour la suite. Alors Anne, importante, t'as peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça, Chronos, hein? Non, rien de spécial. C'est vrai que je regardais beaucoup moins déjà quand il y avait Livine, ouais. qui était sur place. C'est vrai que ça m'a pas trop marqué non plus. Et bon, je peux pas trop dire si elle était bien ou pas bien. Oui. Et si je dis pas de bêtises, sur cette période-là, ils se sont mis à plus utiliser aussi des dessins animés, enfin des décors créés pour l'occasion même, d'ailleurs, au lieu des décors réels qu'ils avaient avant, il me semble. Tu veux dire ils intégraient directement les animateurs dans le dans les décors de. C'est possible, oui. En même temps, c'est le mur vert, quoi, tu vois. Oui. Qui permet de faire ces choses-là. Alors, on va parler maintenant d'une année importante, parce que 2005-2008, d'une période importante, pardon, 2005-2008, c'est la fin de la collaboration entre Canal+ et Warner Bros., notamment pour les cartoons, et donc ce qui impliquait la disparition des Looney Tunes, qui passèrent, si je ne dis pas de bêtises, sur France 3, en tout cas sur France Télévisions. Là, autre chose, du coup, il y a une animation avec deux toons qui ont été créés spécialement pour l'émission. C'était Georges Lannes et Alfred Le Bussard, création du studio Kayenta. Et bon, moi j'ai le souvenir pareil de ces deux-là qui n'étaient pas si mauvaises que ça. Ça permettait d'apporter un nouveau souffle. De toute façon, ils n'avaient pas le choix parce que il fallait bien intégrer d'autres cartoons du fait de la disparition. Tu pouvais plus faire participer un Bugs Bunny, un Sylvestre, un Titi. Voilà, donc c'était forcément tout de suite compliqué. Et donc, il fallait aussi trouver de nouvelles idées par rapport à ça. Ben voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, par rapport à ça. Parce qu'on arrive vraiment qu'à ce moment-là, c'est vrai que j'avais pas trop regardé, du coup, j'ai pas trop jugé si. Bah ouais, pareil pour moi, c'est à partir de là où j'ai réellement décroché, en fait, même un petit peu avant, mais c'est vrai que tu perds un attrait énorme, quoi, même oui. Si les personnages sont de qualité derrière, c'est pas pareil, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, les Looney Tunes ou les trucs comme ça, c'est juste intemporel en fait comme dessin animé. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, complètement, ouais. Malheureusement, s'ils perdent cette collaboration, bah. Bah, et puis je pense que on est arrivé à une transition aussi, c'est-à-dire que le côté animation live et animé, ça commençait à devenir un peu cheap en fait. Et surtout les dessins animés qui étaient diffusés, je pense qu'ils étaient plus adaptés au public de l'époque, c'est-à-dire que 2005 c'est à peu près l'explosion de Naruto en dessin animé, c'est un changement, les dessins animés que Sagartoon diffusait c'était plus adressé à des trentenaires nostalgiques qui ont grandi avec ça en fait, plutôt que à la jeunesse que ciblait d'abord Sagartoon, quoi. Et donc c'est à partir de là où je pense que Sagartoon ne visait plus le bon public et ça a commencé à décliner. Ouais, c'est sûr, et du coup, 2008, ça marque la fin de la présence de Sagartoon en clair, hein, puisque de 2008 à 2009, alors l'émission s'appelle Cartoon Plus et diffusée sur Canal Plus Family, donc forcément on est là encore face à un public restreint pour profiter de la diffusion de l'émission. Ouais, c'était un mélange avec des marionnettes, je crois, des trucs en poils ou je sais pas quoi. Ah ouais. En Cartoon Plus, si je dis pas de bêtises. Enfin maintenant, c'est possible. J'ai souvenir d'avoir bossé sur des génériques. Ah ah. Les dossiers. Les dossiers. Non, mais c'était sympa à faire. Il me semble que c'était des sortes de petits personnages qui animaient justement ces trucs-là et qui présentaient qui remplaçaient Philippe Dana et les animateurs, quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que rien que le fait de le passer, qu'il soit plus sur Canal, mais sur Canal Plus, c'était Family, je crois. Oui, ouais. C'est ça, ouais. Voilà, déjà, ça le réserve qu'aux abonnés. Alors que avant, la grande force de Sagartoon, c'est que c'était en clair et que c'était un vrai rendez-vous, quoi. Et du coup, forcément, le passer sur Canal Plus Family, ça annule complètement l'impact que l'émission avait avant, quoi. Après, ouais, du coup, c'est là qu'ils ont arrêté de passer des trucs comme des Disney ou choses comme ça, mais ils passaient plus des séries animées. C'est là où ils ont passé du Oggy et les Cafards ou du Kailou, hop, autopromotion. C'est ça. et du coup, ouais, ou la série Les Dalton, je crois, ça passait là-dessus. Ah, la série de Lucky Luke. Ouais. Sorte de spin-off de Lucky Luke. Donc ils passaient vraiment des trucs qui étaient exclusifs, que Canal avait acheté. Vraiment comme une émission comme France 3 ou des trucs comme ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que c'était réservé justement sur Canal Plus Family, parce que c'était vraiment des séries achetées et qui est réservé aux abonnés et pas aux trucs en clair. Voilà, oui. ça a bien changé, quoi. Et puis participer aussi à la production, peut-être aussi de séries, donc oui, c'est ça. C'est une façon de les mettre en avant. Il y avait moins ce côté justement vintage, on va dire. Ouais. Mais plus on va justement faire plaisir aux abonnés en leur mettant des séries récentes et qui sont exclusives à Canal Plus, quoi. C'est sûr. Donc voilà, 23 ans quand même, c'est quand même énorme pour une émission jeunesse, de de 86 à 2009. Surtout avec le même présentateur tout le temps, quoi. Oui, complètement, oui. C'est quand même, c'est-à-dire que c'était une image aussi par rapport à la, par rapport au, bah voilà, au, c'est lui qui a toujours fait ça, il présentait ça évidemment très bien aussi, il arrivait à donner envie de regarder le cartoon qui suivait, donc forcément ça jouait aussi sur sa présence, sur cette durée-là, sur l'émission. Tout à fait. À noter que ce cartoon a quand même récupéré, gagné surtout 4 sets d'or hein, au titre de la meilleure émission jeunesse, qui est quand même pas mal au vu de la concurrence. Et on, alors parmi les anecdotes aussi qui sont très très drôles, je trouve, c'est que par exemple Jacques Attali, pour ceux qui connaissent, parmi ceux qui nous écoutent évidemment, est allé voir Philippe Dana pour lui demander de décaler l'heure de ses cartoons parce que ses enfants forcément monopolisaient la télécommande, pardon, et lui du coup ne pouvait pas regarder 7 sur 7 sur TF1. Donc c'était un peu marrant de voir l'impact que ça pouvait avoir chez des personnes connues pour regarder. Puis moi à l'époque il n'y avait pas la possibilité de la télévision de rattrapage comme on a aujourd'hui ou internet tout simplement pour récupérer les émissions. Donc ça montre un l'impact. Enregistré sur des VHS à l'époque. Ouais mais le problème c'est que tu... ouais aussi avec le code Showview, exact. J'ai oublié ça. Et donc voilà, c'était assez marrant à ce niveau-là. Que dire de plus, on peut peut-être parler rapidement avant d'aller sur les cartoons d'une série de alors je sais pas si on peut parler d'un spin-off parce que c'est pas forcément le cas, mais de Décode Pas Buni qui passait lui par contre le samedi du 4, alors c'était plus court hein, c'était de septembre 89 au 27 décembre 2000. Oh, ça reste 11 ans, hein, c'est pas mal. C'est pas, oui, non, mais c'est pas mal évidemment. Hein. Et dans un premier temps, il était diffusé en crypté, puis c'est arrivé en clair sur la fin, vraiment sur les. Oui, c'est arrivé en clair le 15 décembre 2000 et ça s'est arrêté le 27 décembre 2000. Donc ils ont dû faire deux émissions. Deux émissions en clair, donc c'est pour ça que ça m'étonnait de voir ça et de le voir ça en qu'il y avait une période en clair, mais ça a été très court du coup. Là du coup il n'y avait pas de présentateur, c'était présenté directement par Bugs Bunny, et puis il mettait en avant des dessins animés de la Warner Bros. Pas uniquement des cartoons, mais il y avait les Animaniacs, il y avait Minus et Cortex. Il y avait pas mal de choses. Freakazoid aussi, non? Freakazoid, tout à fait. Pac-Man la relève, Sylvester et Titimé de l'enquête, Tasmania, les Tiny Toons. Le gros retour en enfance. C'est ça, quoi. Clair. Putain. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Beetlejuice aussi. C'était assez. Il y avait même de la sitcom un peu. Bon, ça n'a pas été très non plus. Très connu à ce niveau-là, mais voilà, c'était marrant. Du coup, l'animation a vraiment une place importante sur la chaîne, et sur la 4. C'est ça que je pense qu'il y a le plus à noter, en fait, c'est que SciCartoon, ça a été un peu le précurseur, mais c'était le signe d'une époque, en fait, où de 90 à peu près à au début des années 2000, 2002, 2003 peut-être, où l'animation avait une énorme place à la télévision, et on s'en rend pas forcément compte, mais c'était vraiment énorme à l'époque. Entre du coup sa cartoon, les émissions jeunesse qui étaient là depuis un moment, qui étaient là le matin ou le mercredi après-midi, genre les Club Dorothée ou ce qu'il y avait eu avant sur Antenne 2, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais... Croque Vacances, non c'était pas Croque Vacances, Récréa 2, non. Récréa 2, voilà. Voilà. Tous ces trucs-là, après il y a eu toute la vague sur la 5... France 5 maintenant avec Debout les Zouzous, Midi les Zouzous, ouais, tous les trucs, les Zouzous, mais ça c'est plus les années 2000, mais avant il y avait d'autres émissions qui passaient, genre la Linéa, qui il y avait du Dragon Ball aussi, ça passait le mercredi, ouais, midi, un truc comme ça. T'avais du Dragon Ball, t'as eu les Captain Tsubasa, Benjamin et l'école des champions, tous ces trucs là et puis t'avais tous les trucs de France Télévisions avec les Tortues Ninja, avec les émissions genre les Minicums, le week-end il y avait les Taz, Télé Taz, il y a eu un truc avec Donkey Kong, il y a eu la vache, Maniacs, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Il y a eu plein de trucs comme ça, et on a eu plein de trucs de ce genre jusqu'à peut-être la moitié des années 2000 où où bah, petit à petit ça a baissé. Le gros des émissions ont disparu, ont été remplacées par des trucs un peu génériques, genre les Ludo ou des choses comme ça. Ouais, bah, ouais, des trucs comme Téléfou, mais il n'y a, a pas de présentateur, ouais. Ni voilà. Rien, il n'y a pas une sorte d'écriture. C'était plus du flux que. Il n'y a pas forcément une mise en avant très forte. Ouais. Et surtout, il n'y avait pas d'animation japonaise, alors que c'était le gros truc à ce moment-là. Et il n'y avait plus non plus d'animation américaine, c'était plus sur des chaînes du Cap, genre Boomerang ou des trucs comme ça. Parce que y a eu cette histoire des quotas, notamment où il fallait du dessin animé français. Et qui fait que on s'est retrouvé. Et puis même maintenant, en fait, il y a eu le passage de la 3D en plus. Qui a fait que des dessins animés comme. Je pense au passage de Franklin la Tortue, je sais pas si vous voyez. Génial, ça. Au passage de la 2D à la 3D, qui est absolument immonde. Et, Mickey, pareil. Mickey, c'est pareil. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été faits, qui sont dégueulasses, qui sont très orientés enfants, mais réellement, quoi. C'est un peu comme Gulli, en fait. Quand Gulli, ça a été lancé, il y avait plein de trucs pour vraiment très, très petits, quoi. Où on calait le gamin devant la télé, il bougeait plus, et voilà, quoi. Et je trouve qu'on a perdu cette dimension réellement fun et tout public de l'époque, sa cartoon, où quand c'était présenté par Philippe Dana, c'était un rendez-vous familial. Moi, je me souviens, je regardais ça avec mon frère et ma mère, et on se mettait ça le dimanche soir tous ensemble, quoi. Donc, y a plus ce truc-là, je pense, j'ai l'impression... ou en tout cas, y a ça, mais pour des enfants jusqu'à peut-être 6-7 ans. Mais au-delà, il n'y a pas. Et du coup je trouve que c'est dommage. Et sa cartoon représente réellement une époque qu'on aura du mal à retrouver par la suite. Quoi. Ah, on s'éloigne un peu du sujet par rapport à ça, mais c'est vrai que si on compare la télévision au moment où sa cartoon est arrivée et aujourd'hui, pour la jeunesse, c'est plus de la télévision éducative. Hein. Que vraiment de la télévision de divertissement. Ouais, c'est de la télé de c'est comment ils appellent ça, l'éveil. Ludo Entertainment ou c'est la télé de l'éveil. Ouais, c'est ça. Ou c'est les Teletubbies typiquement ou Dora l'exploratrice quoi. Ouais, putain. Enfin bref, donc voilà en tout cas en ce qui concerne le concept de l'émission, qui est pas non plus excessivement compliqué, mais qui était quand même assez cool et qui a quand même fait nos beaux jours, ça permettait un peu de rendre le dimanche un peu mieux, un peu meilleur avant le début de la semaine qui arrivait, quoi. Je vous propose de refaire un petit tour rapidement, du coup, sur les dessins animés qui étaient diffusés sur ces cartoons notamment. Alors, le plus gros, évidemment, c'est les Looney Tunes. Ouais. Tout ce qui était Warner, en fait. C'est ça, Warner Bros. Alors, avec les Merry Melodies aussi. Alors, les Merry Melodies, je vois pas ce que c'est. C'est avec les personnages des Looney Tunes, mais c'est avec des histoires. Par exemple, je me souviens d'un truc, c'était l'adaptation du Barbier de. Ah oui, il n'y avait pas le Barbier de Séville ou un truc comme ça. Ouais, il y avait ça aussi. En fait, c'était l'adaptation de plein de musiques du répertoire Warner, en fait. D'accord. En dessin animé, donc souvent avec des personnages des Looney Tunes, mais pas que. Il y avait aussi, des personnages créés pour l'occasion et tout. Et en fait, on associe ça aux Looney Tunes, mais c'est vraiment un truc à part. Et en fait, tous les gros studios comme ça ont eu leur Merry Melodies. Il y a les Silly Symphonies chez Disney aussi. Il y a je sais plus comment ça s'appelle, Happy Harmonies. Ouais, c'est ça. Qui était dans le même genre. Il y a toute une série de séries. On peut appeler ça comme ça. Enfin, d'épisodes de one shot, on va dire, basés sur ce genre de trucs, quoi. Ok, donc forcément les Looney Tunes, donc au niveau des personnages, il y a forcément Bugs Bunny, Titi Grominet, Bip Bip Bitcoyote, Il y avait Speedy Gonzales aussi, voilà, énormément de personnages différents, d'animations différentes aussi. Après, c'était toujours évidemment sur le même mode, quoi. Il y a toujours, notamment sur les duos, t'as toujours le syndrome du perdu d'avance, quoi, où tu sais très bien qu'ils vont jamais réussir à, ne serait-ce que Ville Coyote, qui est quand même le loser, le Pierre Richard de l'animation, quoi. C'est génial. Tu sais qu'il voilà, il va toujours perdre alors qu'il a des plans qui sont toujours extrêmement précis, extrêmement complexes, et t'as toujours un truc qui défie la physique de la Terre et qui fait que que le rocher ne se lance pas, que le pétard n'explose pas, voilà, que la route une fausse route qu'il avait dessinée devienne vraie route sous les pattes de Bip Bip. Voilà, donc c'est toujours, on connaissait toujours forcément la fin, mais on savait très bien que ce qui nous faisait regarder finalement, c'est la créativité des situations mises en place, hein. Et que forcément, on sait très bien qu'il va perdre, mais on veut voir comment il va tomber, quoi, sur quelle distance il va tomber et comment il va se faire mal. Et il avait quand même une capacité, de régénération assez impressionnante, quoi. À ce niveau-là, notamment Ville Coyote, c'était plus subtil encore. Je pense que Titi et Gromier, je pense que Titi, c'est le personnage le plus salaud de l'animation, en fait. C'était vraiment une balance. Il faisait tout pour que Grosminet, ben, il se prenne la pâtée, quoi. Avec la fameuse animation où tu vois Titi qui enlève les doigts de Grosminet, qui est accroché à un truc. C'est ça. C'est exactement ça, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez d'un épisode qui était assez entre guillemets effrayant. C'était quand il y avait un savant qui avait inventé une formule et ça a transformé les personnages en monstres. En monstres entre guillemets façon Frankenstein. Il y avait ça avec c'était juste avec Titi et Grosminet. Et je sais pas si vous avez souvenir de ça. Possible. Non. Ou transformer quelque chose. Il y avait le duo de chiens aussi qui était là, le père et le fils. Et bah en fait, l'un et l'autre, après, successivement, Titi et Grosminet prenaient la potion, ce qui les faisait transformer en créatures assez hideuses et assez effrayantes pour le coup, quoi. Donc je pense que ça a dû traumatiser quelques gamins quand même par rapport à ça sur ces séries-là, quoi. Alors, on pourra en parler dans une autre émission, mais il y a eu aussi des adaptations de jeux vidéo sur, alors à l'époque Super NES, à l'époque PlayStation 1 aussi. Je me souviens, un qui était notamment articulé autour de c'était, le jeu s'appelait Une fin de loup. C'était avec Coyote. Il devait choper des moutons. Il devait trouver toutes les manières possibles. Ah oui, je m'en souviens de ce truc-là. C'est génial, ça. Possible, imaginable pour choper un mouton sans se faire gauler par le chien. Donc c'était assez marrant de retrouver la dynamique de l'animation sur un jeu vidéo, alors que forcément le temps n'est pas du tout le même, la gestion du temps n'est pas du tout la même. Bon voilà, parenthèse fermée évidemment là-dessus. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en termes de dessin animé sur ces cartoons de façon générale, hein? Ah ben, moi c'était les Tom et Jerry. Je suis un énorme fan de Tom et Jerry, même des Tex Avery. Enfin, il passait les 2 roupies de temps en temps pour remplacer les Tom et Jerry. Ouais. Et vraiment, il y a une science du gag qui est juste exceptionnelle, en fait. Enfin, les Tex Avery encore plus, mais c'est vraiment un niveau encore au-dessus. Tex Avery, c'est assez bluffant, quoi. C'est en plus le comique de répétition et qui arrive même parfois à répéter entre les épisodes, genre le manger chez Joe de Tex Avery qui revient sur pas mal d'épisodes. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment géniaux. Enfin, ces trucs-là. Bah, après, les Bugs Bunny, les choses comme ça. Enfin, vraiment, j'ai toujours préféré les Looney Tunes au court-métrage de Disney parce qu'il y avait toujours ce côté un peu impertinent. C'est un peu le sale gosse, les Warner plutôt que Disney. Ouais, et la violence, quoi, aussi. Ouais, la violence, ouais. C'est toujours été plus rebelle, plus sale gosse que les Disney, et c'est ça qui me plaisait. Et les coups de sueur à repasser sur les pieds. Ouais. c'est énorme, quoi. La chute dans les escaliers, c'est. En plus, il y a des trucs qui passeraient plus. Genre, Daniel Tom Jerry, quand il se prend une explosion, genre dans une boîte aux lettres, il se retrouve en noir, enfin grimé en noir, des trucs comme ça. Façon Marguerite. Ouais, tous les trucs. Ça a été très critiqué pour ça. Ouais, c'était critiqué, mais bon. Beaucoup de trucs un peu racistes et tout. Ouais. Ces trucs qui passeraient même plus maintenant, quoi. Moi, je pense, par exemple, qu'on aurait du mal à passer aujourd'hui, c'est Pépé le Putois, par rapport au sexisme de la série, quoi. Et pourtant, je crois que c'est un de mes personnages préférés, parce qu'il est, il est tellement à la rue et en même temps tellement cool dans son attitude et tout. Enfin, voilà, et c'est plein de personnages comme ça, très très décalés et qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. Et c'est ça. C'est une vraie marque de fabrique, quoi. Ouais, complètement. Je rebondis sur Tom et Jerry, mais c'est pareil, c'était certainement c'est pour ça que j'en parlais déjà dans la présentation tout à l'heure, parce que c'est vraiment pour moi, c'était l'apothéose de ces cartoons, en fait. Tu vois, tu regardais les autres, c'est bien, hein, tu vois, tu rigoles et tout, mais c'est que Tom et Jerry, c'était juste monstrueux. Moi, j'ai le souvenir. Notamment avec mes parents, on regardait ça et il y a un épisode qu'on voulait absolument revoir, qu'on ne revoyait pas depuis un moment. En fait, à un moment, voilà, la situation fait que Tom poursuit Jerry, évidemment. Tom, c'est le chat, Jerry, c'est la souris. Et poursuit, non, on ne sait jamais, il faut quand même repartir sur les fondamentaux, quoi. En fait, ils font le tour de la pièce. Et il y a toujours la marâtre noire qui est là. Et donc forcément qu'elle a peur de la souris, et donc en fait le truc c'est qu'elle a son balai, elle lui donne un coup de balai, sauf qu'à chaque fois le coup de balai tombe sur Tom, et au bout d'un moment il l'arrête, il fait vraiment le signe de la main de l'arrêter, il prend le balai et puis il la casse sur son genou, quoi. Tu vois, c'est bah, évidemment c'est plus parlant quand tu le vois en animation, mais nous ça, je pense qu'on n'a jamais eu ça fait partie des fous rires que j'ai eu en regardant Tom et Jerry, tu vois, c'est complètement idiot, mais c'est tellement drôle. Puis c'est encore sur des situations bêtes, quoi, sur des dualités entre le chat et la souris, avec le chien que tu peux rajouter en plus. Donc c'est voilà, c'est toujours ces instants-là qui sont toujours aussi magiques à voir. Hein. Dans les films, les dessins animés qu'on a pu voir aussi, j'étais assez étonné de voir du Walt Disney. On en parlait avec Toontoon. En préparant l'émission notamment, alors on se base sur la fiche Wikipédia, donc c'est pas forcément la meilleure source possible et imaginable. Mais et en même temps, c'est difficile de trouver autre chose. Exactement. Sur l'émission. Ouais. Mais des séries Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo, Tic et Tac. Pour moi, Tic et Tac, notamment Rangers du Risque, c'était sur TF1. Sur TF1, ouais. Moi, j'ai aucun souvenir de Disney sur sa cartoon, en fait. Il me semble qu'il y a des moments. Moi, j'ai cru. J'étais plus surpris. C'est pour ça, à l'époque, je me dis, tiens, il y a du Disney sur sa cartoon. Alors, peut-être qu'il y a des moments, effectivement, ça me dit vraiment quelque chose. Des spéciaux, genre à Noël. Ouais, peut-être non, mais même des trucs qu'on a vu, tu vois, des Goofy ou des trucs comme ça. Bah, à la rigueur, moi, j'ai plus, peut-être, à la rigueur, souvenir des Silly Symphonies, donc qui sont l'équivalent des Merry Melodies avec des histoires. Avec des personnages qui sont pas de Disney et qui sont mis en musique et tout un peu. Ouais, genre Steamboat Willie par exemple, le premier. Non, genre plus comme pouvait l'être Fantasia en fait. Si tu veux. C'est vraiment une comédie musicale. Moins expérimentale en fait. Ouais. Mais c'est ça, c'était la mise en image d'un morceau, voilà. Et du coup. Du coup, j'ai plus le souvenir de ça à la rigueur, mais c'est vrai que je vois, Tic et Tac, tu disais, c'est plus TF1, plutôt Dingo, tout ça. J'ai pas le souvenir. Alors que j'ai des souvenirs réels de trucs autres que Warner, comme les Woody Woodpecker, Chili oui. Willy Tom et Jerry ou des trucs comme ça, quoi. Mais beaucoup moins de Disney. Enfin, en tout cas, ça m'a pas marqué du tout, quoi. C'est pas faux. Alors il y a eu pas mal de choses. On a aussi eu Popeye, Betty Boop, notamment évidemment de façon ouais, plus un peu de Hanna-Barbera. Voilà, de façon un peu plus sporadique. Tu parlais donc de Woody Woodpecker, du Droopy aussi. Parce que c'est vrai que Tom et Jerry, c'est marrant parce que on a vraiment l'impression que Tom et Jerry c'est Warner Bros, mais en fait c'est la MGM. Comme c'était, on avait principalement des dessins animés Warner Bros, on faisait forcément l'amalgame entre les deux, alors que c'était vraiment deux choses différentes, deux studios différents. Même si aujourd'hui ça appartient à Warner. Oui. Mais c'est que ça a changé énormément de droits, c'est passé par un Hanna-Barbera aussi, c'est passé. Ça a beaucoup bougé, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est. En fait, on retient un peu tout le temps les mêmes choses. Je pense qu'ils ont diffusé énormément de trucs différents. Ouais. Mais on retient globalement les mêmes choses parce que c'était les meilleurs, tout simplement, et que c'est ceux qui sont restés le plus longtemps, je pense. Parce que, Tom et Jerry et Bip Bip et le Coyote et Titi et Gros Minet, c'est peut-être les trucs les plus emblématiques qu'on ait pu voir sur sa cartoon, quoi. Ouais, complètement, et, ouais. Et maintenant, tu les revois, tu repenses obligatoirement à sa cartoon. Les deux sont indissociables, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est indissociable. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais pour revenir juste sur les notamment les Xavris, c'était un peu plus subtil encore que les Looney Tunes ou les Tom et Jerry. C'était plus barré. Comment ? C'était plus barré, ça allait beaucoup plus loin. Ouais, voilà, tout à fait. C'est peut-être pas le même public aussi, tu vois. Je pense que Avery, il se faisait vraiment plaisir sur des choses. Je me souviens d'un dessin animé qui reprenait c'était une conversation entre deux personnes et l'un parlait de façon très imagée et l'autre en fait imaginait ça à sa façon en fait donc tout ce qui était que des expressions et donc forcément lui comprenait pas ça et lui le voyait vraiment de façon premier degré donc forcément ça donnait lieu à des choses totalement invraisemblables et bêtes quoi entre guillemets qui n'étaient pas forcément le ressort comique était lié à ça quoi. Mais c'est vrai que c'était plus barré, comme tu le dis, avec le loup, notamment, même sur des histoires du petit chaperon rouge qui était reformaté, refait à la sauce Tex Avery, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, par rapport à tout ça? C'était cool, ça serait bien que ça revienne. Oui. Ou un truc du même genre, ouais, ça serait bien. Il y a un retour quand même pour faire un petit prolongement de ce qu'on dit, un retour au format cartoon tel qu'ils étaient avant, je pense notamment du côté de Disney et les Mickey. Ouais, mais tu vois, c'est de la diffusion internet quoi. On n'a pas de. Il n'y a pas un rendez-vous, il n'y a pas une émission avec une animation spécifique et avec des dessins animés spécifiques quoi. Mais après, aujourd'hui, on regarde de moins en moins la télé aussi, donc ça ne m'étonne pas et ça ne me dérange pas que ce soit comme ça quoi. Et je préfère ça, tu vois, ce format-là que c'était Titi Gros Minet mais de l'enquête, tu vois. J'ai vraiment eu du mal à accrocher à ce format-là d'un épisode de 20 minutes où tu retrouves un peu toujours les gags dilués dans l'intrigue, mais c'était plus forcément le même impact que ce que c'était à l'époque. Mais c'est intéressant du coup de revoir ce retour vers ce format-là un peu avec des graphismes assez étonnants aussi qui s'adaptent vraiment à l'époque d'aujourd'hui qui sont vraiment très jolis. Oui, bah et plus osé et plus dans la veine que de ce que fait de ce que peut faire Cartoon Network je pense depuis le début des années 2000 en fait où je trouve que niveau animation aux États-Unis en tout cas sur les chaînes etc. Il y a vraiment eu une nouvelle vague à partir de début milieu des années 2000 où les Powerpuff Girls en tête et tout ce qui a suivi derrière je perds les noms là mais Cartoon Network et Disney a suivi aussi hein, ils ont fait leur truc et tout ils ont vraiment apporté quelque chose de différent et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir des trucs genre Adventure Time, Steven Universe ou Souvenir de Gravity Falls ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y a eu vraiment une nouvelle vague et que maintenant ils reprennent les classiques de avant cette vague et qu'ils les réadaptent un petit peu, parce que si tu regardes les cours de Mickey par exemple, au niveau esthétique ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant, et ça s'inspire énormément de cette nouvelle vague avec des couleurs très très flashy, un design beaucoup plus coupé, enfin découpé, tu vois, taillé à la serpe, des trucs comme ça, et c'est beaucoup plus vif, on va dire, que ce qu'on avait avant, quoi. Ouais. Après, ils ont tenté des passages en 3D sur les Looney Tunes. Je sais pas si vous avez déjà vu les courts-métrages de Beep Beep Pocoyot en 3D là, qu'ils ont sortis. Ouais. Parce que ça, c'était pas si mal, objectivement, c'était vraiment pas si mal, parce qu'ils ont essayé vraiment de retrouver le ce qui faisait le charme des trucs en 2D, même si les versions en 2D sont toujours au-dessus, voilà. Parce que voilà, ce que tu peux faire en 2D, tu peux pas forcément le faire en 3D. Ouais, et pourtant vraiment, je trouve que leur tentative est vraiment honnête, quoi. Elle marche en soi, c'est pas si dégueulasse que ça. Insiste bien sur le côté un peu déformation, à mort, etc. Bon, il y a ce côté un peu, parce qu'ils ont projeté ça avant des films en relief, donc ils ont un peu forcé le côté 3D, c'est un petit peu dommage, mais en soi, ça fonctionnait assez bien, c'était pas dégueulasse. Il y avait aussi une version de Daffy Duck et Elmer, mais celui-là, je crois que je l'ai pas vu. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, j'ai pas vu non plus. Moi non plus, bonne question, ouais. Et du coup, ouais... Moi, ce qui m'embête, c'est un peu cette obligation d'adapter les trucs 2D à la 3D. Je trouve que le meilleur exemple, c'est les Mickey en 2D, là. Ouais. Les derniers qu'ils ont fait, qui sont absolument géniaux. Ouais. Si vous les avez vus. Ouais. Bah, on en avait parlé, il me semble, dans un des tout premiers celluloïdes. Et parce qu'en plus ils osent vraiment des choses, je trouve qu'ils sont même plus proches des Looney Tunes. On t'entend plus, ça coupe. Allô ? Oui ? Oui. Ouais. Oui, je disais, oui, c'est plus proche des Looney Tunes d'avant que étaient les anciens Disney, en fait. Ils osent plus de choses, ils sont vraiment plus bêtes et méchants, et c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est clair que c'est vachement bien, quoi. Il faut qu'on ait encore des trucs comme ça. Le seul bémol, c'est que on est encore, c'est de la diffusion internet, quoi. Et ça a pas l'impact que ça pourrait avoir si c'est diffusé à la télé, je pense. C'est vrai. Après, c'est encore un peu diffusé sur France 3, hein, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, même s'il y a plus l'impact que ça avait avant. Sur Canal+, et notamment avec Cartoon. Hein. D'autres choses, messieurs? On se dit qu'on espère revoir rapidement ces cartoons, même si on sait qu'on l'aura ça, pas. Ça, je pense qu'on peut abandonner l'idée, mais peut-être, tu vois, profiter un peu de ce que France 4 peut faire sur l'animation. Bon, c'est énormément de super-héros, mais... Oui, mais on peut peut-être se dire que... de plus en plus, ils diffusent pas mal d'animations japonaises aussi, et ils ont un certain nombre de séries qui sont en cours de production et qui vont arriver dans quelques temps. Je pense à Last Man par exemple. Oui. Je pense que il y a quelques chaînes comme ça qui peuvent ramener par petites touches. Un truc qui nous conviendrait peut-être plus. Après, c'est compliqué parce que y a toujours ce truc des quotas d'animation française, et que l'animation française actuellement, ça produit beaucoup plus de dessins animés pour enfants, en tout cas en série et pour le format télé, mais du coup ouais, je pense qu'il y a quand même un créneau à prendre, et que j'espère que la recrudescence de l'animation au niveau mondial, on va dire, avec énormément de films d'animation qui marchent très bien, comme cette année où on a pas mal de films qui font des grosses grosses entrées, j'espère que ça va amener un retour plus de visibilité pour l'animation parce que ça manque, je trouve. Ouais, en tout cas de l'animation de qualité, aussi bien sur la forme que sur le fond. C'est ça. Ok, derrière ces belles paroles, pouvoir se dire au revoir. Hein. En tout cas, à une prochaine fois, une prochaine émission. J'espère que ça vous a plu, évidemment. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez de l'émission, que ce soit sur le compte Twitter, que ce soit sur le compte Twitter, c'est @lesinterdupod, LESINTERDUPOD, ou alors directement sur le WordPress sur lequel vous avez pu récupérer l'émission. Voilà, je vous remercie à tous les deux, je te remercie Tuntun, je te remercie Chronos. Merci à toi. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, non? un peu prématuré de dire pas ça. Pas tout à fait. Voilà. On vous dit à très bientôt en tout cas, avec une rentrée qui s'annonce très intéressante en termes d'animation. Je sais pas, oui, voilà, évidemment. Je vais un peu trop vite en besogne, j'ai oublié de dire, de parler des sorties, notamment Misokusai. Alors j'ai plus la date. C'est le 2 septembre. Le 2 septembre, donc, là, ouais. Juste à la rentrée. Ça fait partie des films d'animation japonais qui sont qu'on a la chance d'avoir chez nous, alors qu'ils sont forcément les plus grands publics qui soient. Et on a hâte de voir ce que ça donne dans les salles de cinéma. Voilà. Tout donc on vous dit à tout bientôt, et puis avec la rentrée de septembre, on va revenir tout bronzé ou pas. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Salut. We'll be right back. I know, Mom. Yeah, no, I'm fine. Really, I'm good. This is all part of the process, you know? It just takes 99 no's to get one yes. They said the same thing that they always say. Thanks, but no thanks. You know, kids' books these days have to be more cynical. Darker. Yeah. Thanks, Mom. Love you. Miranda! Bullseye! What do you mean darker? Danny, I think we just have to face facts. Yang is out and Yen is in. Yeah, but the Wob ones aren't dark. They're just not like that. Well, maybe they need to be. Ooh, what it needs is a good old-fashioned Wild West shootout! Or a swashbuckling adventure on the high seas! Wait, or a voyage to the far reaches of space! I write the words, you're the pictures, remember? Et pour ceux qui ont évidemment attendu jusqu'au générique de fin, on va pouvoir vous parler, comme d'habitude, du court-métrage final. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter, Tuntun? Ouais, donc ça s'appelle Danny and the White Bunch. C'est un court-métrage d'horreur qui a été réalisé par Robert Regan, donc un gentil américain. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une écrivaine, je sais pas. Une femme qui écrit des romans. Voilà. Qui a écrit des livres pour enfants et qui doit en urgence écrire un nouveau scénario. Et en fait, durant le court métrage, les personnages qu'elle écrit vont prendre vie et vont en quelque sorte se rebeller. Et donc, c'est un mélange live action avec de l'animation. C'est très très bien foutu, c'est joli. Et il y a une sacrée ambiance dans ce court-métrage. C'est assez sombre. Ouais, c'est assez sombre. Et ça, le ton change. En fait, au début, c'est plutôt colique. Ouais, voilà. Et en fait, le ton change rapidement. Et pour devenir ce court-métrage d'horreur, et c'est très très bien foutu. C'est joli et ça a été nommé dans de très nombreux festivals et il a gagné de nombreux prix. Et voilà, c'est très très bien foutu. Ouais, c'est pas mal. J'imagine que c'est jamais évident de coupler du live action avec de l'animation. Surtout sur des projets, des courts-métrages comme ça. C'est de l'animation, mais c'est assez sombre. Et c'est marrant, ça monte de plus en plus en pression en fait. Au fur et à mesure qu'elle avance sur le scénario et du coup elle doit faire des choix par rapport à ce qu'elle voit et ce que c'est assez étonnant et ouais. Franchement à découvrir. On va vous mettre évidemment le lien dans le message du podcast et donc voilà. Est-ce que tu l'as vu Chronos? Non, je l'ai pas vu malheureusement. Bah, on t'encourage à le regarder dès la fin de cette émission, dès la fin de cet enregistrement. autre chose à rajouter, Antoine? Le travail sur la lumière est très très cool. Ouais, c'est très beau, c'est chouette. Là, parce que la partie live en fait est vraiment bien filmée, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, l'animation est bien incorporée derrière. Ouais, c'est bien. Pour rajouter le petit moment de pression qu'il faut là où il faut, quand il le faut, quoi. Donc voilà, c'est autre chose à ajouter, messieurs? Non. Bon on vous conseille donc Danny and the Wild Bunch de Robert Regan à regarder d'urgence évidemment et qui mélange du live action et de l'animation. Ah ben voilà, on vous dit à bientôt. Au revoir. Salut.